Afrique Média. Le monde, c'est nous. Merci de nous retrouver au cœur de cette édition du débat panafricain, édition du 17 juillet 2022. Eh bien, au cœur de ce grand culte de l'information sur la télévision, nous revenons autour donc de ce fait d'actualité qui a émaillé la scène politique sur le continent africain depuis quasiment une semaine. Affaire donc concernant qui oppose donc le Mali à la Côte d'Ivoire au sujet des 49 mercenaires ivoiriens interpellés donc à Bamako. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara ne parvient donc pas à dissimuler ses intentions, on va dire, malsaines et inavouées contre la paix et la sécurité au Mali. Ce dernier est d'ailleurs rattrapé par les démons de ses mensonges avant le déclenchement de cette affaire de mercenariat. On s'en souvient, qui implique directement le président ivoirien et ses basses manœuvres de déstabilisation au Mali. Alassane Dramane Ouattara qui joue le démon auprès de ses frères africains, mettant en avant les intérêts occidentaux, avec déjà prédit une situation chaotique pour le Mali et ses autorités de la transition, alors que le pays venait d'être mis sous embargo économique et financier, notamment par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans une conversation téléphonique entre le chef de l'État ivoirien et l'ancien premier ministre d'alors Boubou Cissé, connu comme un autre pion occidental qui visiblement était préparé pour prendre le pouvoir après Ibrahim Boubacar Keïta et continuer d'entretenir les intérêts occidentaux au Mali. Intercepté par les services secrets, Alassane Dramane Ouattara se laissait convaincre de ce que le nouveau pouvoir malien n'allait pas dans cet échange, n'allait pas s'en sortir dans cet échange. Eh bien, Alassane Dramane Ouattara dénigrait également le Mali. Il affirmait que les autorités de la transition au Mali sont des idiots, et complétant que la Russie, qui soutient militairement et économiquement le pays depuis la brouille avec les Occidentaux, dont les Français, est la 11e puissance économique aujourd'hui. Ce n'est pas la Russie qui peut régler leurs problèmes, c'est des naïfs, c'est des ignorants, avait-il conclu. Le chef de l'État ivoirien pensait alors à l'époque que la Russie ne peut pas aider les autorités, ne peut pas aider en dehors de leur faire donc des promesses, envoyer des biens matériels. Pourtant, ces prédictions ont finalement été que de mauvais rêves d'un mercenaire occidental en Afrique. Ouattara n'aura donc certainement pas digéré de voir le Mali tenir la baque malgré toutes les difficultés infligées au peuple à travers des sanctions illégitimes dont il fut d'ailleurs l'un des artificiers à la CDAO. Il fallait bien trouver des stratagèmes, des stratégies pour faire tomber le régime de Bamako qui continue donc de donner des sueurs froides à ses maîtres français. Est-ce que Monsieur Alassane Dramane Ouattara est donc finalement le premier ennemi de cette révolution mise en place du côté de Bamako? On en parle dans un instant dans le cadre de cette édition du débat panafricain. Et puis un sujet en cachant un autre, puisque l'actualité au Mali est donc clairement liée à ces enjeux au cœur du Sahel, évoquant donc l'échec de l'opération Barkhane. Pourquoi la France tient-elle clairement à se maintenir du côté du Sahel? L'interrogation sera davantage au cœur et au centre de cette autre édition du débat panafricain, alors que du côté de la France, les langues se lient et se délient désormais pour tenter de présenter la face hideuse de la politique française sur le continent africain. C'est donc un collectif d'une quarantaine d'associations et d'universités qui vient de publier donc une tribune dans le journal Le Monde qui appelle désormais le président Emmanuel Macron à refonder clairement la politique française au Sahel. Un enjeu majeur d'ailleurs pour la France en raison de son investissement militaire et diplomatique depuis presque une décennie, mais qui a déjà montré quasiment ses limites. Jean-Pierre Olivier de Sardan, l'anthropologue, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, a d'ailleurs commis effectivement une vitrine cette semaine où ce dernier présentait clairement l'échec de l'opération Barkhane du côté de la France, mais bien plus de toute la politique française au cœur du Sahel. Et donc pour lui, si la France voudrait clairement rester en vie, en lice dans ses enjeux géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques, il faudra clairement repenser sa politique, mais surtout tenter de revenir sur ses positions au cœur donc de ces enjeux de l'heure. On en parle donc avec nos invités dans le cadre de ce débat panafricain. Asseyez-vous confortablement. Le débat, c'est dans un instant. Avec les mains nues, ni Bible, ni armes, nous venons avec le magistère de la parole, si fièrement reçu par vous, très chers téléspectateurs, vous donner toute la quintessence de l'information telle que vécue tout le long de cette semaine. Sous le prisme donc du panafricanisme, ils seront autour de moi pour nous permettre de voir un peu plus clair dans le labyrinthe de ces deux sujets d'actualité que nous allons très clairement contourner dans le cadre de cet exercice. L'occasion pour moi de saluer monsieur fidèle téléspectateur de ce programme, monsieur Bwanga Eboula Simon, qui nous suit très religieusement quelque part sur le continent africain. La parole donc à nos invités qui sont avec nous en plateau, l'un des plus anciens effectivement dans cette longue marche du panafricanisme, surtout celui du 21e siècle, qui incarne clairement la volonté, les déshydratats du peuple, des peuples africains, épris de souveraineté, de liberté, mais surtout qui veulent désormais aussi s'affirmer au concert des nations. J'ai nommé Dr Basilikine qui est également avec nous. Merci infiniment, papa, comme j'aime bien vous appeler, de nous accompagner une fois encore à cette édition du débat panafricain. Bonjour. Eh bien, je le fais vraiment avec plaisir, parce que se retrouver là et débattre des problèmes et de l'avenir de l'Afrique, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment où le monde est en train de se refonder et qu'il faut absolument que l'Afrique trouve sa place, à la bonne place, à la tribune du monde. Et vous aimez donc bien, vous avez bien le dire, les Occidentaux veulent le monde sans les Africains, mais nous, Africains, nous voulons... Nous voulons le monde avec les Africains. Merci à vous, docteur Basilikine. Alors, docteur Bekima, lui également, qui nous retrouve entre deux avions, c'est un réel plaisir que de vous savoir sur ce plateau central. Vous êtes géostratège. Merci infiniment, docteur, de nous retrouver ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fabrice Ndoum. Je suis très, très heureux d'être là, une fois de plus en présentiel dans ces magnifiques studios d'Afrique Média. Je profite pour saluer un fan club presque informel. J'étais hier à Makimba et j'ai vu des fanatiques d'Afrique Média, M. Moussombo, un autre gars qu'on appelle Danger, et ils m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations et qu'ils aimeraient bien former un club Afrique Média formel. Ma deuxième salutation va vers le très grand gouvernement du Mali, c'est-à-dire je les renouvelle mon soutien sans réserve, et vraiment il est rare de trouver ensemble un gouvernement aussi compétent, peut-être le gouvernement le plus compétent dans le monde à l'heure qu'il est. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous, et vous saviez d'ailleurs mieux que quiconque les enjeux autour de ce fait d'actualité lorsque vous évoquez donc clairement la gouvernance à l'heure actuelle donc du côté de Bamako. Et bien le troisième qui est avec nous sur ce plateau, un habitué de ce rituel sur la télévision panafricaine, et bien c'est donc l'un des habitués, on va le dire clairement, autour de ce programme, qui est d'ailleurs très avisé dans ses lectures politiques. Il ne ménage aucun effort lorsqu'il s'agit clairement de dénoncer les uns et les autres autour de leur gestion, qu'elle soit chaotique ou alors qu'elle soit appréciable sur le continent panafricain. Merci infiniment que de nous retrouver, Bertrand Tatinda, ce matin. Bonjour. Bonjour Fabrice, je suis très content d'être là. Bonjour à tous ces milliards de téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour au docteur Bekima. Nous sommes contents de l'accueillir sur Douala. Il ne ménage aucun effort de venir tout le temps au-delà de rendre visite à sa famille, de nous rendre visite et de participer à notre combat, à notre lutte. Soyez, sentez-vous salués. Vous êtes vraiment une fierté pour ce continent. Merci. Bonjour au doyen Monsieur Baslekin. Bonjour. C'est eux qui m'ont inspiré dans ce combat. Plus de 10 ans de lutte, toujours là, toujours là, toujours présent, en dépit de ses nombreuses occupations. Merci. Que Dieu vous bénisse, papa. En plus, vous êtes formateur des polytechniciens camerounais. C'est une école d'ingénierie de très très haut niveau, formée ce que je peux appeler la matière grise de demain. Merci. Fabrice, laissez-moi souhaiter des félicitations et un grand bravo à l'armée du Cameroun. Nous sommes fiers des prestations de l'armée du Cameroun et de tout ce qu'elle fait. Une grande victoire, un grand coup a été marqué à l'encontre de ceux qui ont symbolisé la cruauté et la criminalité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un certain Leke Olivier Fongano, qui avait mis sur pied une bande criminelle appelée les Red Dragons. Monsieur Leke Olivier Fongano. Ça reste flou pour l'instant. Certains expliquent que c'est un ancien de l'armée du Cameroun. D'autres disent non, que c'est quelqu'un qui a essayé d'intégrer l'armée du Cameroun. Mais il n'y a pas réussi. Il a certes passé les tests physiques. Il n'a pas honoré aux tests écrits. Donc il n'a jamais intégré véritablement l'armée du Cameroun. Il n'a jamais eu un matricule dans l'armée du Cameroun. L'armée du Cameroun clarifiera. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ce monsieur n'existe plus. Mais quand moi, l'armée a sorti le communiqué et les preuves, j'étais très content et j'ai eu un peu d'amertume. Parce qu'il a symbolisé la cruauté, la criminalité, la crapulerie et les assassinats. Il a le palmarès sans doute le plus élevé de cette histoire. Vous vous souvenez des chefs traditionnels dans le Labialem qui avaient été sauvagement assassinés? Tout à fait. C'est lui, ce sont ces hommes. Vous vous souvenez dans le Labialem des fonctionnaires camerounais qui avaient été sauvagement assassinés? C'est lui, ce sont ces hommes. Des enseignants qui vont être enterrés vivants? C'est lui, ce sont ces hommes. Des enfants qui vont être fusillés? Des décharges de AK-47 sur des enfants de 7, 8, 9, 10, 11 ans? C'est lui, ce sont ces hommes. Des gendarmes militaires amputé du bras. Je veux personnellement voir une vidéo comment il va faire subir le martyr à un enfant du bataillon d'intervention rapide. Ouais, on s'en souvient. La fierté de cet enfant, c'est absolument qu'il va accepter d'être dépecé. Ouais. Il ne va jamais faire couler les larmes. Ouais. Vous imaginez le courage? Il ne va jamais accepter de faire couler les larmes devant ce monsieur. Mmh. Oui, l'armée n'a pas eu d'autre choix que de neutraliser sans doute celui qui va incarner la plus grande cruauté de cette histoire. Avec un vigile. Il paraît qu'il avait un sentinelle, un vigile. Mais ce qui fait rire, c'est que ceux qui ont acheté par procuration son combat, c'est-à-dire qu'ils le soutenaient en refusant de donner l'impression qu'ils le soutiennent, explique aujourd'hui que non, oui, vraiment, ça va radicaliser les enfants dans le nozo, et puis ça fait de lui un martyr. Pourquoi on expose son corps? Pourquoi on expose son corps? C'est les mêmes qui nous expliquaient que l'armée ne va jamais arriver à bout de ces gens. L'armée ne va jamais pacifier le nozo. Qu'est-ce qu'il faut? Très récemment, d'ailleurs, vous êtes revenu sur ce fait d'actualité et vous avez d'ailleurs déclaré que très bientôt, il sera pris en tenaille par l'armée camerounaise, puisque, eh bien, on en avait déjà assez de ces crapulerés, mais encore à Mondo Vision, c'est-à-dire qui se vantait même, effectivement, à un moment donné, d'être quasiment, on va dire, intouchable. Intouchable! Et il expliquait que l'armée n'allait jamais arriver à bout de ça, parce qu'ils exigeaient du président Biya un grand dialogue politique avec ce monsieur. Avec ce monsieur et un certain nombre d'autres partenaires cachés sur ceux qui se présentent comme étant nos amis le jour, cachés chez ceux qui se présentent, qui nous donnent des leçons et qui agitent les chiffonneries que nous appelons la société civile. Aujourd'hui, non seulement l'armée a pacifié cette région, certes, oui, il y a encore des éléments épars qui commettent quelques crimes. L'armée imposait la paix. Les enfants sont allés à l'école. Les examens de fin d'année se sont tenus partout, même dans le plus très fort des districts du Nord-Ouest et du Nozo. Les examens se sont tenus. J'aurais aimé que ce monsieur passât à notre cour martiale. À cour martiale, ouais. Devant nos magistrats militaires. Ouais. J'aurais aimé. Mais le ratissage continue. Mmh. Les mouvements du président dans le haut commandement militaire indiquent la vision du président dans cette histoire. Parce que nous, au nouveau mouvement populaire, nous avons toujours assumé le fait que c'est la force militaire qui va d'abord pacifier cette histoire. Parce qu'on ne fait pas la politique comme ça. Si ce monsieur voulait être acteur politique, qu'il vienne sur Afrique Média. Débat contre débat, idée contre idée. La politique s'accommode mal des âmes. On ne tue pas au nom de la politique. On n'éventre pas au nom de la politique. On n'égorge pas au nom de la politique. Dont le président de la République qui lui a prêté serment en expliquant que ce qui est le plus cher dans ce pays, son intégrité nationale, je ne faillirai point, le président le dit, devant la représentation nationale. Je veux assumer et je veux pouvoir. J'aurai les moyens. Je vais assumer la sécurité des biens et des personnes. L'armée du Cameroun a réussi à neutraliser ce monsieur. Il y a un autre qui se fait appeler Nopiti. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce monsieur? Qu'il a encore quelques heures pour se rendre dans les DDR. Parce que même en dépit du niveau de cruauté de ce monsieur, de son palmarès que je vous ai donné, mais le président et le haut commandement militaire ne cessaient de lui demander, monsieur, intégrer les DDR. Tout à fait. Cette décision du président de DDR nous a fait mal, nous a agacé, nous a fait mal. Mais on comprend le patriarche, il tend la main. Lui, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Il règle les problèmes avec des informations, un niveau de réflexion, une gestion politique, une forme de responsabilité. Pour moi, Bertrand Tatsinda, je n'ai pas. Ouais. Mais nous saluons l'armée du Cameroun. Ce qu'il faut aussi saluer dans cette victoire, c'est que de son retour du Nigeria, parce qu'il a disparu 8 mois, blessé par les éléments de l'armée du Cameroun, il a été exfiltré au Nigeria. Il y est allé se soigner, il y est revenu. C'est la population du Labialem, des informateurs qui ont informé l'armée du Cameroun, qui ont collaboré avec les éléments du bataillon d'intervention rapide. Donc, elle a juré, un lieutenant-colonel expliquait encore devant la dépouille de ce monsieur, que personne n'est invincible. Ils n'ont pas d'autre choix que de déposer les armes ou l'armée les désarmera de force. D'accord. Bravo à l'armée du Cameroun. Nous n'avons jamais douté de vous, très chers militaires. Ensemble. Merci à vous, Bertrand Tatsinda. On va compléter donc le panel cet après-midi avec le dernier donc des panélistes qui est avec nous, effectivement. Pas des moindres, donc le président Mbandakani qui nous fait une fois encore l'honneur et l'amitié de nous retrouver au cœur donc de ces sujets aux enjeux qui réels, multiples, mais avec, comme toujours, un dénominateur commun, la liberté pure et simple du continent africain. Président Mbandakani, merci que d'être là, bonjour. Bon après-midi, Fabrice. Je m'excuse du retard, c'est involontaire, c'est pas dans mes habitudes. Mais mieux vaut être arrêté que d'être absent. Quand on est invité par l'espoir journalistique du combat panafricaniste, ce que vous êtes, donc je me sens obligé d'être là quand vous animez l'émission. Merci bien présent. J'ai un regard pour ma fille que vous connaissez. Absolument. J'espère qu'elle nous suit. Comme tous les dimanches. Elle a mes hommages spéciaux ce dimanche, une fois de plus. Mais l'événement cet après-midi, c'est celui qui est là-bas. Ouais. Il y a quelqu'un qui est assis là, qui joue humble, il pense qu'on ne le voit Monsieur pas. Paul Bekima. Paul Bekima. C'est Paul Bekima. On l'a finalement présentiel. Voilà, c'est lui l'événement parce qu'on l'a en distanciel, mais il est là, en chair et en os, sur le plateau. Nous ne reviendrons pas sur son inestimable contribution. Contribution pionnière d'ailleurs dans le combat panafricaniste. Je pense que beaucoup l'ont lu sans savoir que c'est lui qui lisait sur des pseudonymes. Bon, maintenant, s'il ne veut pas se dévoiler, ce n'est pas moi qui le fera, par respect pour lui. Mais il est l'un des pionniers de ce combat. C'est quelqu'un qui ne peut pas voir, il est derrière, mais nous sommes toujours très heureux quand il est là avec nous. Et quoi de plus heureux pour nous cet après-midi de voir qu'il est en présentiel avec Tout nous. À fait. Donc, c'est lui l'événement. Il est le bienvenu chez lui. Il adore son pays, le Cameroun. Nous sommes très contents de chaque fois qu'il est sur la terre natale. Donc, bienvenue, Biki, sur ce plateau. Et je suis très content de faire ça en direct avec toi. Permettez-moi de saluer notre papa. Ouais. J'ai toujours dit que quelqu'un de son âge qui a accepté depuis 10 ans d'être là, c'est un signe prophétique. Il comprend le mot. C'est un signe prophétique. Je peux le dire. Il comprend, tout le monde comprend le mot ici. C'est pas de la sorcellerie quand on le dit. C'est pas le monopole de certains. Donc c'est un signe prophétique. Et je m'incline une fois de plus devant sa sagesse, devant son âge, devant l'autorité de son âge. Bon, mon frère Bertrand s'est pas présenté. C'est mon camarade de combat. On galère tous les jours dans les mêmes combats. Donc, on se tape tous les jours dans ces choses-là. Donc je suis simplement content de voir que tous les jours quand je me lève, je dis ah, il est vivant. On peut continuer. Tout à fait. Donc je salue les techniciens, je salue toute la grande famille du débat panafricain, famille historique qui a plus de bientôt 10 ans d'âge et qui a assumé un grand combat qui libère le genre humain et qui a positionné l'Afrique au niveau de la réflexion géopolitique sur les cimes, n'est-ce pas, de la géopolitique mondiale. Parce que hier, on se moquait de l'Afrique, c'était le monopole de certains. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas faire le débat avec nous. Ils ne peuvent pas se tenir en face de nous. Mm-hmm. C'est grâce à Afrique Média, c'est grâce au débat panafricain, qui est un débat historique. Je ne sais pas si je peux parler de certains sujets. Mm-hmm. Je suppose que Bertrand a parlé, il a volé le dessus. Je sais qu'il a parlé du Congrès. Non, pas encore. Okay. Donc, je vais revenir sur l'armée. Mm-hmm. À sa suite, je voudrais rendre hommage une fois de plus à l'armée du Cameroun. J'ai déjà dit que l'armée du Cameroun est sacrée. Je ne demande pas l'avis de quelqu'un pour le dire. Il n'y a pas l'autorisation à demander à qui que ce soit. Il n'y a pas l'autorité morale dans ce monde à qui on va demander le droit de dire que l'armée camerounaise est sacrée. Nous décidons que l'armée du Cameroun est sacrée. De par les missions qui sont les siennes, de par la manière dont elle est remplie, de par l'agilité militaire dont elle fait preuve face aux menaces exceptionnelles qui pèsent sur notre pays. Et surtout son caractère républicain. Sa soumission à l'autorité civile est exemplaire et reconnue dans le monde. C'est une armée sacrée qui concilie le respect d'engagements internationaux dangereux pour l'intérêt de nos pays, mais que nous sommes obligés d'assumer. L'armée du Cameroun concilie le respect de ses engagements internationaux et les exigences difficiles qui est de garantir l'intégrité territoriale du Cameroun, de sécuriser nos institutions et le pays dans un contexte où la géopolitique mondiale est devenue folle et a décidé de saccager tous les repères civilisés qui ont longtemps fait l'honneur des nations. Bertrand vient de vous le dire, je ne reviendrai pas sur la mort de ce voyou, de ce criminel. Je voudrais simplement dire à ceux qui osent dire que c'est quoi l'exposition des corps, c'est quoi l'exposition d'un corps, machin et consort. Je voudrais rappeler à ces gens, ça a été fait hier quand ça concernait les IPCistes. Ouais. Ces gens n'ont rien dit. Tout à fait. Et ceux qui exposaient les corps des IPCistes sont les parrains de tous ceux-là qui sont derrière la base. Absolument présent. Et des crypto-politicards qui soutiennent la crise anglophone, mm-hmm. en même temps disent qu'ils ne sont pas des sécessionnistes. Je ne ferai pas l'honneur de les appeler, on les connaît. Mm-hmm. Donc ce sont leurs parrains historiques qui ont appris à exposer la tête des maquisards qu'on coupait en les traitant de bandits. Je rappelle simplement ça pour les dire qu'ils n'ont pas de morale, donc qu'ils feraient mieux de se taire. Et ceux qui n'ont pas de conscience politique, qui ne comprennent pas les situations, doivent aussi se taire, ou bien aller d'abord se former avant de dire n'importe quoi. Dans un contexte comme celui du Nozo, la barbarie, ce n'est pas l'armée du Cameroun. C'est elle qui incarne la civilité et la civilisation. Il faut rappeler encore ça ici. On a vu comment ailleurs on traite ce genre de situation. L'Éthiopie est un exemple pour ne citer que ça. Vous voulez que je rappelle ici ce qu'on a dit des indépendantistes en Espagne, des sécessionnistes espagnols? L'Europe a dit que l'unité de l'Espagne n'est pas négociable. Alors que ces gens au moins sont élus. Ils sont élus. Calès Puigdemont est élu. Mm-hmm. C'est un élu. Vous comprenez ça? Je parle des Catalans, de la Catalogne. Tout à fait. L'Europe a fait corps et a dit à Madrid, tu peux les tuer tous, parce que l'unité de l'Espagne n'est pas négociable. Absolument. Vous vous rendez compte? Mais ces voyous-là du Nozo, qui les a élus? Ils ont le mandat de qui? Personne. De qui? et que l'armée du Cameroun a subi toutes sortes d'atrocités visant à la déshonorer. Ces éléments ont été décapités, humiliés. Bertrand Tondelier l'a dit. Devant le silence, et un silence complice de ceux aujourd'hui qui joue à des vierges, qui joue aux vierges politiques, aux vierges de la morale, en disant que exposer le corps, ce n'est pas digne de l'armée du Cameroun. C'est du n'importe quoi, monsieur. Le contexte se prête à ça. Puisqu'après, il y avait d'abord, il y a eu même un précédent, et je crois que Bertrand l'a relevé tout à l'heure, on avait annoncé d'ailleurs ce dernier mourant, du moins décédé sur le théâtre des opérations, passez-moi l'expression, et après les formes, ça allait quasiment dans tous les sens, et donc il fallait clairement aujourd'hui que tout le monde soit véritablement fixé, puisque après, il y a que son impact avait clairement créé une espèce de psychose dans les vies des civils, des populations de cette partie du territoire. Le combat militaire est d'abord un combat psychologique. Faut-il rappeler ça à ces gens? Ils font seulement ne pas savoir que ce monsieur était considéré là-bas comme un mythe et que ce mythe était entretenu par les ennemis du Cameroun pour manipuler les populations et leur faire croire qu'il est invincible. Tout à fait. Et que personne ne gagne à suivre l'armée. Au contraire, il faut le suivre parce que l'Amazonie va gagner. À qui veux-tu faire croire ça? Veux-tu faire croire comme que vraiment cette action n'était pas salutaire? Oui, il fallait le faire pour montrer réellement qu'il est mort. C'est de cela qu'il s'agit. Tout à fait, président. Faut-il rappeler ce que les femmes ont subi? Faut-il rappeler ce qui est arrivé à cette femme, cette Florence, elle s'appelait qui Florence qui l'a? Agnafort. Elle n'est pas la seule. Elle est la seule. Une horreur, jamais vue dans le monde. Une horreur. C'est dans ces conditions difficiles que travaille l'armée du Cameroun. On doit respecter les droits de l'homme, garantir la sécurité collective, la paix, et garantir la sécurité des contrats signés par les ceux qui soutiennent l'Amazonie. Des pays occidentaux là, la sécurité de leurs affaires ici est en partie liée à tout ça. Et ils donnent des leçons. Et qui ont les amis les plus criminels du monde. Ils donnent des leçons. Donc, l'armée est dans son rôle. Elle fait du bon travail. Et elle a notre soutien. Même quand elle commet des exactions, je dis l'armée du Cameroun est sacrée. Ça, c'est la position du NMP. Ouais. Et personne ne peut nous faire bouger là-dessus. Ouais. Personne. Elle est sacrée. Donc, soutien total à l'armée du Cameroun. Et Bertrand l'a dit. Nous comprenons très bien la signification des mouvements qui ont été faits dans la hiérarchie de l'armée ces derniers temps par le chef suprême de l'armée. Uh-huh. On ne va pas venir ici diffuser les secrets militaires. Mais ceux qui sont initiés comprennent ce que ça veut dire. Et les jours qui viennent vont démontrer que ça parce que faire preuve de hauteur morale, faire preuve de paternité n'est pas un signe de faiblesse. L'armée du Cameroun, les forces de sécurité et de défense du Cameroun ont fait du maintien de l'ordre renforcé jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et je suis très heureux que je l'ai dit sur ce plateau, mais j'ai écouté des experts militaires de haut niveau répéter le même mot que nous ici. Donc sans être des militaires, souvent, on est en cohérence avec les initiés. Donc le maintien de l'ordre renforcé, c'est ce qui a été fait. Sur ce théâtre ou ailleurs, c'est la guerre. C'est la guerre totale. Donc nous saluons l'armée du Cameroun. Ouais. Ça, c'est son honneur. Ils ont lancé des rumeurs que non, ce sont les Amazoniens qui l'ont trahi, on l'a livré, c'est pas l'armée. Il était malade, c'est pas l'armée du Cameroun qui l'a tué. Vous voyez, il ne faut pas laisser une seule seconde des honneurs à l'armée du Cameroun. Et ces rumeurs sont véhiculées par des Camerounais, oui. Des partis politiques qu'on connaît, qui c'est-à-dire, dont le projet politique est de détruire l'armée. Non, écoutez bien. Détruire l'armée pour arriver au pouvoir. C'est-à-dire, la condition de l'accession au pouvoir, c'est de détruire l'armée. Vous savez où on a vu ça? C'est en Côte d'Ivoire. Favoriser l'arrivée au pouvoir du criminel qui est à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Et faire que l'armée du pays n'est pas l'armée du pays. C'est une auberge espagnole militaire. Qui permet aux Occidentaux de manipuler le pays et de rendre désormais éternelle leur domination sur le pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc là, quand vous voyez les mêmes gens, quand vous voyez des gens avoir certains comportements à l'égard de l'armée dans un pays, vous voyez des forces politiques avoir des comportements bizarres envers l'armée du pays, ne cherchez pas loin. Ils ont le même projet que M. Ouattara. Ils ne veulent pas simplement l'assumer. Un citoyen normal camerounais ne peut pas être contre l'armée du Cameroun dans les conditions actuelles. Vous comprenez ça? Tout à fait. Donc nous sommes de tout cœur derrière l'armée du Cameroun, nous soutenons ça. J'ai un deuxième sujet. puisqu'il y a le cas de la visite du jeune président Emmanuel Macron à Yaoundé, annoncé d'ailleurs pour ce soir. Vous voulez qu'on commente tout ça? Pourquoi pas, président? Vous voulez qu'on commente ça? C'est un sujet d'accueil. Non, je vous demande, c'est vous le patron, hein? Non, c'est pas un sujet d'accueil. En tout cas, ce sont des sujets d'information que nous, on va dire que nous évacuons. Je vais aller très vite. La vision, la fusion achat, c'est Bécu qui maîtrise ces choses-là. La fusion achat SAB Guinness, SABC Guinness, qui fait le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des. Vraiment, Est-ce qu'il y a fusion ou alors il y a rachat de la part du groupe Castel? Je ne fais pas mon temps dans ça. Ce sont des mots. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est une fusion achat. C'est une fusion achat. Écoutez, c'est dans le milieu, c'est la norme. C'est la norme dans le milieu des affaires. Mm-hmm. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mm-hmm. Ce qui m'intéresse, c'est les cris d'orfraie des libéraux africains, des sous-capitalistes africains, des néo-libéraux africains. Au Cameroun, ils se sont réveillés. Donc, ils découvrent que le Cameroun est menacé par une achat-fusion. Des gens qui ont fermé les yeux ont soutenu les privatisations sauvages qui ont détruit le Cameroun. Les gens qui ont soutenu les plans d'ajustement structurel. Les gens qui, matin, midi, soir, célèbrent le Fonds monétaire international et ses crimes économiques sur le continent africain. Les gens qui ne jugent que par la Banque mondiale. Les gens qui célèbrent un capitalisme, c'est-à-dire criminel, génocidaire. Se sont réveillés un matin. Vraiment, ils font des communiqués pour dénoncer, dire que c'est illégal, pour tromper les Camerounais, comme si ils sont devenus panafricanistes. Et désormais, ils veulent donner l'impression que vraiment, ils peuvent aussi se dresser contre les choses comme ça. Ça fait rire. Mais nous, on ne peut pas crier avec les loups. Nous, on ne commence pas ça. Nous, on met le combat depuis, nos positions sont connues par rapport à ça. C'est le Cameroun qui est confisqué par la criminalité économique internationale. C'est le Cameroun qui est confisqué, comme tous les pays africains sont confisqués. La bataille est de libérer le Cameroun, pas de venir tromper les gens. C'est une fausse affaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils font tous les jours. Et vous parlez seulement de ça. C'est le même que Carrefour et les espaces qu'elle a là au Cameroun. Pourquoi ils se taisent quand c'est Carrefour? Pourquoi ils disent rien si on prend seulement ce cas? Il y a des crimes, Bolloré, ces crimes, ces privatisations-là, ces parties de l'économie du Cameroun qui sont confisquées par des monopoles depuis très longtemps. Pourquoi ils se sont tués? Et maintenant ils se réveillent pour distraire les gens, parce que les gens veulent flatter le peuple. Donc pour nous, ça c'est là, c'est-à-dire qu'on ne crie pas devant. On ne crie pas devant les actes normaux d'un système dangereux pour les Africains, un système prédateur, qu'on a validé, qu'on valide les principes, et on fait semblant de dénoncer ses effets. Nous, on est contre le principe même de ce type d'économie. Nous, on est contre ça. Et notre projet, c'est qu'on va finir avec ça. C'est de cela qu'il s'agit. On n'est pas là pour essayer de bander les effets pour tromper les naïfs. D'ailleurs, quels effets? On choisit quelques effets. Et en fonction du thermomètre sociopolitique, on gesticule. Nous, c'est le système là pour lequel on est contre. Et nous voyons comment il est en train de chuter. Et depuis 10 ans, nous avons annoncé sa chute. On s'est battu contre ça. Donc les gens qui veulent se retourner à la dernière seconde pour revêtir les carapaces de panafricanisme n'ont qu'à bien se tenir. Nous les avons à l'œil. Voilà. Merci à vous, président Mbadakani. Juste un mot autour de la visite du jeune président français annoncé à Yaoundé ce soir pour rencontrer le président camerounais. C'est ce soir? Dimanche prochain? Le 26. Ouais. Ok, d'accord, le 26. Je crois dimanche prochain, oui, c'est ça. Bon. Vous savez, mon cher Fabrice, nos ennemis ont souvent voulu nous piéger en voulant faire correspondre ou bien établir une confusion entre les plateaux de télévision et les réalités de la diplomatie internationale, de la géopolitique mondiale pour des personnes qui sont en situation de président. Et ils ont cru qu'ils pouvaient nous amener à nous contredire dans nos postures panafricanistes. Nous avons démontré depuis 10 ans que tout en étant fermes sur nos principes, nous intégrions dans notre stratégie la situation de nos dirigeants. Nous avons démontré que, sauf ceux qui sont résolument ennemis du continent, n'auraient jamais notre soutien. Et nous sommes restés constants par rapport à ça. Pour dire quoi? D'abord, M. Macron avait juré qu'il ne mettrait pas les pieds au Cameroun. Vous savez l'oublier, je vous le rappelle. M. Macron a longtemps snobé, mépriser le Cameroun, parce qu'il estimait que qu'est-ce qu'il vient faire dans la terre où on a autorisé la destruction de la France à travers le mouvement panafricaniste. C'est de cela qu'il s'agit. M. Macron n'a jamais voulu mettre du feu au Cameroun. Au contraire, il a programmé, je l'ai démontré ici, l'assassinat des dirigeants de l'Afrique centrale, parmi lesquels le patriarche président Paul Biya. Nous avons démontré ici ce plan qui a commencé avec l'assassinat du président Déby, qui devait conduire par le Cameroun jusqu'en Centrafrique. Nous avons sorti tous les éléments pour démontrer ça. Venir aujourd'hui visiter le pays qu'on détruit tous les jours dans des scènes ubuesques, indignes, c'est-à-dire des scènes ubuesques où le soi-disant président français, donc qui est censé être le président de la puissance internationale comme président comme étant la France, on l'a vu tous les gens, tout l'État avoir pour interlocuteur de la racaille fabriquée pour la circonstance pour discuter des questions du Cameroun. On sait ce que ça veut dire. Et le message qu'on envoie à travers ce genre de choses. Il y a une dernière sortie récente, nous avons décidé sur ce plateau par dignité de ne pas citer le nom de certaines personnes. Tout à fait. Alors, expliquez donc comment une diplomatie peut organiser de telles séquences et l'assumer au plus haut niveau de son majesté, c'est-à-dire le diplomate en chef du pays, le président, et une semaine après, deux semaines après, programmer une visite dans ce pays. La personne qui est en contradiction, flagrant le total, c'est M. Macron. J'espère que Hachim Bembe s'est bien réveillé. Vous comprenez? Donc, moi, je vois ça comme ça. Mm-hmm. Ça, c'est au niveau formel. Mais dans le fond, c'est comme ça. C'est évident que les changements géopolitiques qui frappent le continent, qui frappent le monde, qui frappent le continent, obligent le pays dont M. Macron s'est fait appeler président, l'oblige, n'est-ce pas, à un redéploiement géopolitique important, parce qu'il a désormais un défi à relever, à savoir son déclassement en tant que gendarme positionné ainsi par les Américains. Son déclassement pour cause d'échec et d'inefficacité font que désormais le patron de la gendarmerie a dit que moi-même je viens faire ton travail parce que tu es incompétent, ce qui met la France dans une situation inconfortable où désormais, écoutez bien, quelqu'un comme Macron, qui est un anti-français du point de vue des intérêts fondamentaux de la France, parce que c'est un mondialiste, il n'est pas là pour la France. Mm-hmm. Il est là pour utiliser la France au profit de ses patrons, on les connaît, c'est Rothschild et consorts, mm-hmm. est obligé de s'ingérer, de jouer le patriote français. C'est une situation très compliquée pour lui. Très compliquée pour lui. C'est ça qu'il est obligé de jouer actuellement. Mmh. Actuellement, au regard du déploiement de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis, n'est-ce pas, au niveau de la géopolitique mondiale. Donc, cette venue, c'est normal. Si en Afrique de l'Ouest, il est humilié par le Mali, la France a été enterrée par le Mali, et que la situation en Côte d'Ivoire est d'une instabilité chronique, mais il est normal que, dans le cadre de ce qu'on peut appeler le grand acte impérial français, mmh. qui a été constitué par ce qu'on appelait l'Empire équatorial occidental, mm-hmm. et l'Empire, c'est quoi? L'Afrique occidentale française, c'est ça, hein? Mm-hmm. C'est ça, Bekima. Et l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Ouais, voilà. Ce grand acte-là, n'est-ce pas? Il est important que les pôles importants de ces grands ensembles-là, dans les conditions actuelles, il faut que la France clarifie ses positions, mm-hmm. à ce niveau-là. Il faut qu'elle les clarifie et qu'elle essaye de se ressaisir, de colmater ce qui est colmatable. Je m'entends le mot, j'espère que les Gamériens. De sauver encore ce qui peut être sauvé. Oui, sauver ce qui peut être sauvé. Mm-hmm. C'est de cela qu'il s'agit. Le Cameroun n'est pas en position de faiblesse par rapport à la France. Au contraire. Mm-hmm. Au contraire. Lequel faut le dire? Parce que j'entends des murs et des pas vertes. Le Cameroun n'est pas en position de faiblesse. Au contraire, c'est la France qui est en position de faiblesse à l'égard du Cameroun. C'est la France. Et qui veut l'attraper, n'est-ce pas, un ensemble d'erreurs qu'elle a cessé de commettre. Et qu'elle cesse de multiplier. Oui, et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, ont dressé les populations africaines contre elle. D'accord, merci à vous. Docteur Paul Bekima, je préfère également vous écouter autour de ce fait d'actualité, puisque le président Madankani l'a clairement dit, il est simplement question désormais pour la France de tenter véritablement de reconsidérer ses positions sur le continent africain, puisque on le sait, même si au sein de l'AEF, ça semble véritablement, il semble être clairement vomi, même au sein de l'AEF, passez-moi l'expression pour parler prosaïquement, au sein de cette zone équatoriale, même de l'Afrique centrale, ce n'est pas l'amour parfait jusqu'ici. Toutes les actions de la France aujourd'hui vous prouvent que la France est paniquée par l'ensemble des événements qui se passent dans le monde. Mais avant même de continuer, permettez-moi de me soumettre aux exigences protocolaires pour saluer tous mes camarades du plateau que j'ai oublié de saluer, le docteur Basilikim, l'excellent Tachinda, le président Badakani et toute la galaxie panafricaine. Et deuxièmement, j'aimerais aussi rebondir sur la colère légitime de Bertrand et du président Badakani par rapport aux activités ou aux distractions que les gens veulent introduire dans la mort d'un bandit. C'est-à-dire que l'armée a fait du bon travail. J'ai envie de dire ceci, c'est-à-dire, et très sérieusement, il faut être au maximum de la décence, de l'indécence, pour trouver à un tel individu la moindre humanité. Sous d'autres cieux, cela devait s'apparenter à de la haute trahison. C'est ce qu'on appelle des renégats. La mort de ce bandit devait être quelque chose célébré de façon unanime par tous les Camerounais. Mais comment est-ce qu'on peut avoir la moindre sympathie pour un tel criminel après les actes qu'il a posés? Même quand on est un pion caché du monde occidental, il y a quand même des limites. Des limites qu'on ne doit pas dépasser. Au point de reprocher à l'armée d'exposer quelqu'un qui a lui-même renoncé à l'humanité. D'exposer son corps. On se rappelle pour le cas des États-Unis, pays que vous connaissez très bien, qui à un moment donné avait présenté Ben Laden comme étant l'ennemi numéro un, annoncé pour moi plusieurs fois. Il a fallu clairement que l'on montre aux Américains des preuves palpables de ce qui n'existait plus, puisque beaucoup avaient dit que c'était une théorie, une politique, du moins c'est une démarche communicationnelle de monsieur l'ancien président, son nom m'échappe un tout petit Obama. Peu, Obama, qui voulait véritablement se repositionner au devant de la scène puisque les élections étaient proches. Il a dû clairement montrer les preuves de ce que Ben Laden n'existait plus pour que les Américains aient effectivement désormais un capital, je vais dire quoi, réconfort. Et on a vu comment ça a été fêté de ce côté-là, mais pourtant c'est pas, ça semble passer quasiment inaperçu du côté du Cameroun. Ce symbolisme-là est très fort. Et toute la presse américaine était unanime à célébrer cela. Tout à fait. Mais il fallait oser, c'est-à-dire les Américains que l'on prétend être une très très grande démocratie. Il faut oser, il fallait oser critiquer quoi que ce soit là-dedans. Vous avez vu quand la France a assassiné Koulibaly, sans aucune preuve, qui pouvait s'y opposer? Qui pouvait dire que trouver la moindre sympathie à Koulibaly? On devait vous détruire publiquement. Mais il y a un ennemi public d'un pays qui assassine des gens de la méthode la plus cruelle imaginable. Et il la filme, et il y a des individus qui trouvent à redire au fait qu'il soit éliminé. Mais ça, c'est, ça relève, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses pareilles. Et je crois que c'est peut-être la preuve que nous sommes la démocratie la plus avancée au monde. Oui. Et qui frise même, à la limite, l'irresponsabilité. Les gens qu'on devait les arrêter immédiatement. Donc, voilà. D'accord. Maintenant, on reviendra sur la fin. On va discuter de merci à Macron vous. Et de son immaturité politique. On va y revenir. Merci à vous, docteur Paul Bekima. C'est un réel plaisir, un régal, un pur régal que de vous avoir en présentiel. Monsieur, on va donc clairement nous intéresser à ces deux sujets qui vont nous permettre, monsieur, de comprendre un peu plus autour donc de cette démarche du président Alassane Dramane Ouattara. Que reproche-t-il clairement aux autorités de Bamako? Est-il devenu le véritable axe du mal au sein de la CEDEAO, s'affirme-t-il comme étant l'ennemi numéro un du Mali? On prend cet extrait de son premier échange, du moins l'un de ses échanges, dont celui qui avait d'ailleurs été intercepté par les services secrets du côté de Bamako avec l'ancien premier ministre sous l'ère Ibrahim Boubacar Keïta, docteur Boubou Cissé. C'était au lendemain des sanctions prononcé contre ce pays, le Mali. On suit cet élément, on revient derrière avec nos invités, avec vous, Bertrand Tatinda, clairement. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Oui, Alfred, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà. Okay. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, oui. Et inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Oui. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de pression. Oui. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Quoi. Comment ils font ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires un ou deux mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est vrai, en février, ils pourront même pas payer. 1000 milliards d'emprunts régionales. Absolument. Donc, en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire au titre. Et puis, il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est plus important, la BMS, la Banque de solidarité, et puis la Banque de développement. Voilà, bon, c'est terrible. C'est la seule, ils pensent que maintenant ils ont Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. Pas la Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, ce n'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels, Je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. J'essaierai de te voir ça avant de je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager, on a le sommet à Accra. Le jeudi, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci. Hein. Merci bien. Voilà. C'était donc au lendemain des sanctions illégales imposées par la CEDEAO au Mali. Eh bien, échange téléphonique entre l'actuel président de Côte d'Ivoire et l'ex-premier ministre du Mali, Dr Bobo Cissé. Alors, Dr Basilikine, je reviens à vous. pour tenter clairement de comprendre cet acharnement qu'a M. Alassane Draman Ouattara contre cette révolution qui s'écrit donc du côté de Bamako. Et ça dit clairement que M. Ouattara représente l'axe du mal au sein de la CDAO désormais. Écoutez, j'étais un peu plus jeune que je ne le suis aujourd'hui. C'est une la palissade, mais c'est la vérité. Nous avions, quand j'étais étudiant, l'impression que les signataires des accords franco-africains de 1959, M. Fouad Boigny, M. Léopold Sédar Senghor, M. Amadou Ahidjo et d'autres personnages et personnalités de cet acabit, nous croyons franchement qu'ils avaient dû signer des papiers sans les avoir lus, ou qu'ils les avaient lus et n'avaient pas compris ce qu'ils signaient. Mais je découvre qu'en réalité, il y a en Afrique, encore aujourd'hui, des nègres de maison. Ce qu'on appelle nègres de maison, c'est dans l'esclavagisme américain, un des plus barbares qui ait pu jamais être implémenté dans l'histoire, eh bien, c'était des nègres de maison parce qu'ils étaient en train de servir le patron et de ramasser les miettes qui traînaient, qui étaient férocement méchants avec les nègres des plantations qui, eux, produisaient l'essentiel de la richesse de ces esclavagistes et, je n'ai pas honte de le dire, de la puissance économique américaine aujourd'hui. Parce que l'Amérique ne tombe pas de nulle part. L'Amérique, c'est un pays qui n'a vécu que sur les rapines, c'est-à-dire l'Occident, en fait. Donc, M. Ouattara, M. Oufouet Boigny, c'est le même genre, c'est la même situation, c'est les mêmes nègres de maison, c'est-à-dire des nègres qui aimaient plus leurs tortionnaires français, blancs, que eux-mêmes. Moi, j'ai entendu une déclaration du Fouad Boigny dans laquelle disait « Pour la France, perdre l'Afrique, ce sera la catastrophe. » J'essaie de dire au mot près. Alors, voilà quelqu'un qui n'est pas français. Voilà quelqu'un qui est ivoirien et qui déplore que si son pays venait à être libéré d'un autre pays... Eh bien, ce serait grave, non pas pour les Ivoiriens, mais pour le maître français. Alors, je crois que M. Ouattara est un des derniers représentants de ces nègres-là qui pensaient que faire le bonheur du tortionnaire, de l'esclavagiste, de l'exploiteur, je n'ai pas de mots suffisamment durs. Faire le rendre ces gens-là heureux, y compris en se martyrisant soi-même, eh bien, c'était juste. Ces gens-là, je n'ai pas honte de le dire, ne réfléchissent pas par eux-mêmes. C'est les appartenances à des cercles mysticaux, ésotériques, qui font que, eh bien, un peu comme moi je crois, que Jésus est le sauveur de l'humanité et que Jésus est un fils de Dieu, ne peut pas faire mal, eh bien ces gens-là sont convaincus de ce que les Français, les dirigeants des sectes ésotériques, ces gens-là sont des sortes de divinités et qu'il faut être tout le temps à genoux pour les prier de bien vouloir laisser tomber quelques gouttes de pluie sur nos terres. Mais la réalité n'est pas celle-là. Et vraiment, ce que je viens d'écouter de M. Ouattara, j'ai dit que c'est anachronique, mais ce n'est pas d'un homme de son âge, de son niveau et de l'expérience qu'il a eue. Parce que voilà quelqu'un qui a vécu et travaillé dans les organismes des Nations Unies. Il a eu la possibilité de consulter tous les documents de la Banque mondiale, et donc, du Fonds monétaire. Il est mieux placé pour permettre aux gens de comprendre aujourd'hui comprendre, qu'on ne peut pas être développé avec ces institutions-là. Voilà. Et voilà qu'il dit, c'est à peine s'il ne dit pas, je vais réciter un autre père pour que le Mali échoue. Mais que gagne-t-il? Sinon que c'est des théories ésotériques qui font croire que le centre de la planète, le centre du monde, c'est l'Occident, et que le reste de l'humanité doit être esclavagisé, exploité, spolié et martyrisé par l'Occident. Moi, je dis simplement que, Dieu merci, je croyais que les chefs d'État étaient protégés. Mais je ne pouvais pas savoir que ce type d'entretien puisse accéder jusqu'à mes petites oreilles. Je vous assure que j'en suis malade. Et je crois que tout Africain qui regarde, qui entendra cet échange, va se demander si les Africains, certains Africains, ceux qui appartiennent à des sectes où on les manipule comme des pions sur un échiquier, eh bien, si ces gens-là sont des hommes, moi, j'ai plus que des doutes. Et je crois que Bamako, le succès qui va survenir à Bamako, va s'étendre sur toute l'Afrique francophone et que les messieurs Ouattara et ses semblables finiront par disparaître. D'accord. Merci à vous, docteur Basilikin Bétran. Tatine, on ne va pas revenir autour des détails même de cette opération de ces mercenaires ivoiriens, puisqu'on a on en sait peut-être un peu plus, et je vais vous demander, est-ce qu'on a d'autres éléments en plus, Bertrand? Oui, on a d'autres éléments en plus. Il y a des éléments en plus. Mm-hmm. Le premier élément est que le ministre de la Défense, le ministre des Armées de France a été reçu hier par le président Ouattara. Pour vous, c'est un hasard? Non. Ben, c'est pas un hasard. Si l'opération avait marché, l'ordre du jour de la rencontre aurait été quoi? La situation militaire au Mali. Mais là, ils ont parlé de l'engagement de la France en Côte d'Ivoire. Et la France fait une avancée. Elle explique qu'elle réfléchit aujourd'hui à une nouvelle mission de ses hommes. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle pense à mettre ses contingents aujourd'hui sous commandements africains. C'est un trompe-l'œil. Parce que cette rencontre-là, voilà les commanditaires de l'opération au Mali. Cette rencontre-là a été en fait prévue pour voir dans quelle mesure récupérer la situation chaotique du Mali. Ou bien coordonner la situation chaotique du Mali. Une opération de troupes spéciales. Une projection de troupes spéciales précède une opération spéciale. Nous, on en sait quelque chose ici parce que des éléments spéciaux de l'armée du Cameroun sont projetés au Nigeria, ont infiltré, parce qu'elles ont plusieurs objectifs. C'est-à-dire qu'elles vont, elles vont en avant-garde, elles vont en avance, elles vont prendre le renseignement, elles vont observer les lieux. Elles vont mettre en contact. Elles vont, comment je vais dire que, observer les positions. C'est ça des troupes spéciales. Et elles ont d'autant plus ça de spécial qu'il faut justement ne pas apparaître comme militaire de troupes spéciales. C'est-à-dire qu'il faut apparaître comme civil. Les militaires le comprennent très bien. Vous ne pouvez pas projeter des éléments de troupes spéciales sur un champ où vous ne préparez pas, où votre état-major ne prépare pas une opération spéciale. Ça ne s'est jamais vu. Deuxième des choses, l'état-major ivoirien confirme que ce sont des mercenaires. Pourquoi? Il doit se taire, le responsable de l'armée de Côte d'Ivoire. Je peux comprendre que ses patrons opérationnalisent une histoire comme celle-ci, ça tourne mal et lui vient défendre. Il explique qu'ils avaient des contrats avec deux types d'organisations. L'ONU, c'est quoi l'ONU? Et une société, la Security Sahélienne, une société bidon. C'est quoi l'ONU? Sauf que l'ONU, c'est désolidariser de ce fait. Non, même vous, vous êtes flou. Mais vous êtes un journaliste de classe mondiale. Qui s'est désolidarisé? Le secrétaire général des Nations Unies? Le Conseil de sécurité? Macron? Un individu dont le pays au Conseil de sécurité. Ne nous embarquez pas dans un flou terrible. C'est là où Abidjan se cache. Parce que Abidjan explique que eux, ils avaient un contrat avec l'ONU et ils avaient contrat avec une société chargée d'assurer la logistique. Le seul élément juridique qui cadre la présence de la MINUSMA au Mali, c'est la résolution du Conseil de sécurité. C'est tout. Tout ce qui est hors résolution du Conseil de sécurité, c'est le mercenariat, c'est la criminalité. C'est pour ça que même un départ de remplacement de troupes, ça obéit à, comment je vais dire que, une habitude militaire de forme. J'ai expliqué comment ça se passe au Cameroun. Le ministre délégué à la défense et la haute hiérarchie militaire viennent dire au revoir aux éléments en donnant les dernières instructions du président de la République. C'est de la pure forme. Mais avant ça, tout est déjà calé. Le type de transport, le plan de vol, l'heure d'arrivée et qui les réceptionne en coordination directe avec le pays qui accueille les troupes. Avoir une mission de stabilisation onusienne sur votre territoire ne fait pas de vous une colonie du Conseil de sécurité. Le Mali n'est pas une colonie du Conseil de sécurité. Or, l'armée ivoirienne nous dit, nous avions un accord avec l'ONU. C'est qui l'ONU? Avait-il un accord avec le secrétaire général de l'ONU? Avait-il un accord avec les responsables du Conseil de sécurité qui vont voter la résolution? Avait-il un accord avec le responsable militaire de la mission de la MINUSMA? Ont-ils un accord avec cette société sahélienne? Pourquoi ils n'avaient pas d'accord avec l'État du Mali? Parce que même la résolution du Conseil de sécurité est discutée en présence des responsables maliens. Ça s'est discuté. Nous avons retransmis les débats de cette histoire ici de façon publique. Et M. Diop sentait ça venir. Et il expliquait justement qu'au-delà du fait que le Mali est pratique, et je crois que c'est parce qu'il n'y a pas un pouvoir élu au Mali, que le Mali ne demande pas officiellement. Quand il y aura un pouvoir élu au Mali l'année prochaine, je crois que le premier acte fort sera de demander le départ de la MINUSMA. J'ai du mal à croire qu'un pouvoir élu au Mali viendra et va maintenir cette histoire. Et M. Diop expliquait que cette MINUSMA qui est prorogée ne devra rien faire au Mali sans une coordination et une collaboration avec l'état-major malien. Comment vous l'imaginez? C'est un peu comme si moi, M. Bertrand Tatsinda, je gagne un marché pour sécuriser des espaces sensibles au Cameroun avec possibilité de faire venir des éléments spéciaux de certaines armées d'Afrique au Cameroun. Vous vous imaginez? Mais Bertrand, interrogeons... Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est un État? Interrogeons un temps soit peu, effectivement, ces entreprises-là. Je rappelle que cette mission est cadrée justement parce qu'on appelle une note express signée le 5 juillet. Numéro 3640. Objet. Relève du 7e détachement de la National Support Element. C'est sérieux? C'est quel torchon ça? Ça a quoi comme cadre juridique? Le Conseil de sécurité reconnaît ça. La MINUSMA reconnaît ça. Au-delà des niaiseries qu'ils ont données comme raison, ils ont voulu s'accrocher derrière le contingent allemand. Soyons un peu sérieux. L'armée de Côte d'Ivoire a des moyens opérationnels pour sécuriser un contingent allemand, bien que l'Allemagne n'ait plus le droit aujourd'hui d'avoir une armée de projection. Mais même l'armée, comment je vais dire, de maintien d'ordre qu'a aujourd'hui la République d'Allemagne, l'armée de Côte d'Ivoire a un savoir-faire, une logistique, des moyens opérationnels de sécuriser le contingent allemand. Qui a tout fait de dire que non? L'ONU, comme vous voulez qu'on parle comme vous, l'ONU explique que nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas. Les militaires qui sont reconnus par l'ONU sont des militaires qui rentrent dans la résolution du Conseil de sécurité. C'est pour ça qu'ils ont un statut différent. Ils ont un statut au-delà d'appartenir à leur pays. Ils ont un statut de militaire de la paix internationale, entre guillemets. Les juristes ont peut-être le mot juste. Et ils ont des prestations même financières différentes. Regardez. Regardez à quoi devient, à quoi ressemble la mission. C'est le lieu de questionner alors maintenant même la MINUSMA et les contingents qui composent la MINUSMA. Et arrive le ministre de la Défense française, comme par hasard, il arrive, se met à discuter avec eux, arrive à Abidjan, comme par hasard, doit partir son contingent de forces spéciales, se met à discuter avec le président Ouattara, qui lui ne produit aucun élément palpable, juridiquement acceptable pour justifier cette opération. Sauf qu'il y a un acteur en Côte d'Ivoire qui dit quelque chose de très intéressant. Lui, il a été rebelle. D'ailleurs, il ne se cache pas. Il dit, c'est parce que nous avions fait la rébellion, nous avons porté les armes, que M. Ouattara est arrivé au pouvoir. M. Ouattara ne le reconnaissait pas, Guillaume Soro. Il dit, cette histoire doit être négociée dans le noir. Je paraphrase. Et il en appelle à monsieur, au président togolais, fort, au président togolais, de négocier cette histoire. Quand il s'agit de mercenariat, de mouvements rebelles, on peut croire que Guillaume Soro sait de quoi il parle. Question d'expliquer qu'il faut se taire dans ce genre d'opération. Et fort, lui, il a une relation amicale avec la jeune. Parce qu'il va très vite comprendre, lui, au sein de la CEDEAO, et va défendre cette ligne, que les sanctions sont illégales. Donc s'il faille s'opposer à la prise de pouvoir par les militaires au Mali, pas les sanctions, c'est illégal. Nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes plus sérieux, nous ne respectons pas nos textes. Demande une négociation. Sauf que c'est compliqué, parce que l'affaire aujourd'hui est entre les mains de la justice. Fabrice, ça questionne les missions onusiennes. Je vous ai expliqué que la MINUSCO en RDC, Monsieur Kagame estime que la MINUSCO en RDC est alliée à l'armée régulière de RDC pour soutenir les éléments du FRDL, qui sont les anciens génocidaires. Lui, en réaction de ça, il réveille le M23 et arme le M23. Regardez ce que deviennent les missions de stabilisation. Je rappelle que ce sont des missions de stabilisation. Je rappelle qu'aucune d'elles n'a d'un budget de moins de 1 milliard de dollars. Je rappelle qu'au Mali, on parle de près de 15 000 éléments avec une logistique de qualité. Près d'un milliard de moyens financiers. Regardez les missions onusiennes. Il faut parler encore en quelle langue africaine. On va continuer à questionner d'ailleurs ces missions tout à l'heure avec vous, président Badakani. Mais je voudrais, docteur Paul Bekima, que nous revenions autour de ce fait d'actualité. Que doit-on clairement comprendre autour, passez-moi l'expression, de l'acharnement contre le Mali? Excellente question, monsieur Ndoum. Je vais rebondir après le docteur Basilikine, après l'excellent Tachita. Et dire un mot sur la conversation téléphonique qu'on a assez écoutée de M. Ouattara. Et je reviendrai à votre question. Ça, c'est une certitude. Mais je mets un peu le décor. Monsieur Ndou, même les plus grands criminels du monde savent qu'il ne faut pas perdre son caractère. Que si vous perdez votre caractère, vous avez tout perdu. Et je n'ai pas envie de croire que M. Ouattara a perdu son caractère. Et donc, il se trompe, mettons, de bonne foi, que sa conversation qu'il avait au téléphone était de bonne foi. Alors, oui, avec beaucoup de soucis. Alors, cela soulève un autre problème. Cette conversation vous a donc prouvé que les brillants produits des systèmes éducatifs tels qu'on a aujourd'hui, si, voilà, leur façon de raisonner, et ils se trompent aussi flagramment, ça veut dire que ces systèmes sont des friperies. C'est des friperies. Monsieur Ouattara a supposé qu'il se trompe étant de bonne foi, utilise donc deux choses desquelles on doit s'éloigner. C'est-à-dire, en économie, ses analyses s'appuient sur ce qu'on appelle la théorie fiscale de Keynes, et je salue les néo-keynésiens, et la théorie monétaire de Friedman. C'est ça qui est la base de tout son raisonnement, et c'est avec cela qu'il a noyé tous les pays africaine et hors africaine par les plans d'ajustement structurel. J'y reviendrai. Voilà. Maintenant, vous me demandez ce qui se passe au Mali. Monsieur Ouattara est la voix de son maître. Monsieur Soro qui est intervenu, je ne sais pas qui l'a activé. Parce qu'il vient et vous dit que ces affaires doivent être traitées au noir. Quelqu'un l'a poussé à le dire. Qu'on rend ça officiel et venez discuter au noir parce que cette affaire est grave. Le Mali est le symbole de la chute du globalisme. Le globalisme est en train de tomber partout dans le monde. Dernièrement, vous avez vu, on a chassé un président au Sri Lanka. Tout à fait. Le gouvernement italien de Draghi est dans tous les problèmes du monde. C'est-à-dire, il veut même démissionner. Oui, le président qui dit non, parce que la situation est tellement catastrophique qu'on ne voit pas. Boris Johnson a été chassé de l'Angleterre. La France est paniquée, tout le monde est paniqué. Le problème du Mali, je le crois, est un acte isolé. Parce que le G7, quand il s'est réuni, a cherché à faire des réajustements. Et ces réajustements, d'après moi, ne sont pas satisfaisants pour la France. Vous allez voir les efforts que les Américains font. Par exemple, aujourd'hui, le dollar est à parité fixe et exacte avec l'euro. Un dollar pour un euro. Cela veut dire que c'est une très grande concession américaine. C'est-à-dire que les Américains ne veulent pas que les prix européens soient élevés par rapport aux prix américains pour que les Européens puissent au moins vendre leurs produits. Ça, c'est une concession, elle n'est pas suffisante. Ils avaient pensé qu'ils pouvaient remplacer le pétrole, le gaz russe. La réalité les a rattrapés. Et donc, la France paniquée cherche à faire un acte isolé d'exploit. Et Bertrand l'a bien expliqué. Les opérations spéciales sont des opérations extrêmement complexes qui demandent une parfaite coordination. Parce que quand vous avez 49 personnes qui arrive à un aéroport, dans le domaine militaire, c'est-à-dire c'est à peu près ça la taille des opérations qu'on va dire de type platoon, c'est-à-dire c'est la taille moyenne. Or, si les Français avaient, d'après moi, la collaboration américaine, ils auraient le renseignement. N'oubliez pas que au Mali, la majorité du renseignement est fournie par les Américains. Donc, il y a une telle cacophonie veut dire que la coordination n'a pas été bonne et qu'il y a des éléments qui manquaient. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu un pressement dans leur démarche? Oui. Oui. La France est paniquée. Quand vous voyez des gens s'écrouler autour de vous et que les seuls éléments que vous avez, c'est l'Afrique à laquelle vous devez vous accrocher. Et n'oubliez pas que les gisements d'uranium au Niger sont en train de diminuer de façon très rapide. Et la France s'était déjà assurée les gisements du Mali. Elle était sûre d'elle qu'elle les avait. Et dans ce marché-là, la confiance règne énormément. Donc, probablement, ils ont signé des contrats. Des contrats qu'il fallait remplir. Et quand le reste du monde regarde les événements au Mali, ce reste du monde n'a plus confiance à la France. Qu'est-ce que la France va faire? Elle est maintenant obligée de prendre de plus en plus, j'appelle ça des risques, de plus en plus de risques, où elle va intervenir dans des missions qui sont en vérité improvisées et mal conçues, et on le voit là. Et c'est nous, en Afrique, nous sommes toujours très, comment dire, très climents. C'est-à-dire, on laisse faire. Quelque chose comme cela ne pouvait pas se passer en Iran. Le monde entier s'écroulerait. Parce que les Iraniens auraient fait parler ces gars à Mondiovision le même jour. Mais on fait des petits jeux. Les Français, maintenant, ils vont essayer de partir partout. Vous voyez, ils vont au Niger, ils vont en Côte d'Ivoire pour essayer de... Ils viennent au Cameroun. Ils viendront au Cameroun dans le cadre de leur redéploiement. Mais il est tard pour eux. Pour essayer d'abord de noyer, il faut noyer l'affaire du Mali, il faut la noyer et essayer de trouver, je ne sais pas quel genre de solution ils vont trouver, mais Ils sont un peu mal tombés d'après moi parce que la classe politique malienne, comme je l'ai dit d'emblée, est une classe qui fait honneur à l'Afrique. D'accord. De trouver des gens aussi compétents. Mais la justice malienne a cette affaire en main. C'est une affaire assez délicate. Nous attendons la suite. D'accord. Président Mbanakani, tout à l'heure, je l'ai dit, on va questionner ces missions aux Lusènes parce que Bertrand Tatinda a bien fait de mettre le pied dans la fourmilière. Si, au nom du droit international, alors le droit international humanitaire, on a clairement vu cette organisation des Nations Unies s'abroger des combats qui n'étaient clairement pas les leurs. Sur le cas malien, quand même, et davantage autour de cette opération spéciale, on peut questionner davantage le timing. Mais surtout le modus operandi, seulement il y a quand même des détails qui ont été omis pour des cas d'émission pareil, c'est-à-dire on a des soldats qui sont pour une opération, dit-on, spéciale, mais qui n'ont clairement pas d'ordre de mission. Mais après, comment se fait-il d'ailleurs que l'on ait une telle opération spéciale sans que les concernés, du moins ceux à qui les missions, les services doivent être rendus, ne sont pas au courant, parlant effectivement de l'État malien? Vous posez la problématique de l'ONU. Tout à fait. C'est l'organisation la plus dangereuse au monde. Et comme elle représente le type d'organisation arrivée au niveau d'élévation organisationnelle la plus élevée que l'humanité ait connue, on est donc fondé à dire que c'est l'organisation la plus dangereuse au monde, parce qu'elle ne devrait pas cumuler ou bien répéter les tares du passé. Ces tares-là étant classées et reconnues comme étant des tares qui signifient un certain côté ténébreux. C'est de cela qu'il s'agit. L'ONU est l'organisation la plus mafieuse du monde. Vous me regardez quand je dis ça. Ne vous fiez pas aux apparences de l'ONU. C'est parce que ses fondateurs savaient quel était son rôle réel, qu'ils l'ont laissé avoir pour mécanisme de gestion réel. La mafia. Comme ça, on tient tout le monde. On tient tout le monde et les affaires marchent. L'ONU est une organisation criminelle dans les faits. Elle élabore le crime, planifie le crime, la sophistique, pour que le crime n'apparaisse pas comme étant un crime, alors que c'est le crime. Puisque vous vendez, vous donnez tout cadeau à l'ONU. Parce que on vous a dit que c'est l'organisation fêtière du monde, là-bas il y a les droits de l'homme, il y a une charte des deux qui parle des droits de l'homme. C'est de la foutaise. Je dis bien, c'est de la foutaise. C'est une organisation criminelle. Et le cas des 49 soldats est encore la preuve, s'il en fallait, la énième preuve, s'il en fallait, du caractère criminel de l'ONU. C'est de cela qu'il s'agit. C'est comme ça qu'elle fait partout. Je vous donne un. Vous parlez des détails, non? Tout à fait. Ce qu'on appelle National Element Nationaux de Soutien. Mm-hmm. NSE. National Element Support. Yes. C'est ça, non? Le NSE, en tout cas. Comment vous pouvez expliquer que toutes les tâches qui sont commises par ces éléments-là, écoutez bien, sont des tâches hors mandat. Vous savez ce que ça veut dire? Des tâches illégales. De fait. Ça veut dire que ces éléments-là travaillent de fait dans le noir. Et donc sont des mercenaires. Merci. Mais tu as tout compris. Merci, tu as tout compris. Tu as tout compris. Je n'invente rien, c'est ce qui est écrit. C'est ce que l'ONU a rapidement fait de les recuser. Mais l'ONU est au courant, couvre, protège ces pratiques-là. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire que des tâches aussi graves, importantes comme la sécurisation des entrepôts, de la logistique, sont des tâches hors mandat. Ça veut dire qu'en fait que... Et on va d'ailleurs questionner d'ailleurs c'est les missions de ces entreprises, puisqu'on va y revenir clairement. Je crois que Bertrand a fait mention la semaine dernière. Comment est-ce que l'on arrive, on parvient clairement à créer ces entreprises offshore qu'on ne connaît clairement pas d'où elles viennent pour gérer des missions aussi importantes telles la sécurisation des contingents et autres entrepôts assez importants pour l'ONU. On va questionner d'ailleurs cela dans le cadre de cette émission. C'est pour ça que l'ONU a rapidement recusé ça. Mm-hmm. Elle n'a pas recusé parce qu'elle aime le Mali. Non. Elle est prise en flagrant délit. Elle est prise en flagrant délit. Il faut pas se salir. Non, non, non, on ne les connaît pas. Ils les connaissent. Ces gens-là travaillent dans le cadre d'une convention. d'une convention que l'ONU parraine. Que l'ONU parraine. Même si elle est purement, il dit que c'est purement bilatéral. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui est bilatéral lorsque les éléments de soutien viennent dans le cadre de la rotation des contingents onusiens? Parlant de l'AMINUSMA, vous dites que c'est bilatéral, ça veut dire quoi? Ça, c'est purement du brigandage juridique. C'est du n'importe quoi. C'est de la foutaise. Vous enfumez les gens. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Comment peut-on oser dire que des opérations qui sont supposées être de haute sensibilité en matière de sécurité, haute sensibilité en matière de sécurité, dans lesquelles on retrouve 30 forces spéciales. Écoutez bien, 30 forces spéciales. Comment peut-on dire que des pareilles opérations sont des opérations hors mandat? C'est-à-dire que se font en parfaite illégalité, pourvu qu'on ne l'attrape pas. Ça veut dire que on peut ramasser n'importe qui l'habiller d'une tenue militaire au nom de l'ONU et de l'envoyer sur un théâtre d'opération. Mon cher Ndou. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Je ne sais pas si vous avez dit la gravité, mais il y a un autre aspect mafieux de l'affaire. C'est que la vraie valeur d'un soldat est évaluée dans le cas d'espèce à près de 15 millions. Or, les éléments touchent 500 000. Où va 14 500 000 dans les poches du frère de Macky Sall et du frère de M. Ouattara, qui sont les vrais agents qui gèrent la société SAS? Vous voyez comment ça se passe? C'est un système de corruption réciproque. Je te tiens, tu me tiens, je prends ici, tu prends là-bas, et dans l'ensemble, on se protège. Et les affaires avancent. Et tout donne l'impression que ça va, parce qu'on ne dit rien. Il y a au moins 4 rapports d'audit qui ont été faits par des institutions entre guillemets indépendantes qui démontrent que l'ONU est l'organisation la plus mal gérée au monde. Il n'y a aucune transparence à l'ONU, M. Ndoum. Aucune transparence en termes de gestion financière. Et le TNT qu'on appelle secrétaire général donne des leçons à ses malades. Il dit qu'il est carnu moral international, ce petit voyou. Et qui joue comme ça avec la vie des nations et des pays? Mais c'est cela qu'il s'agit. Dites-moi comment vous avez... Mais à partir du moment, M. Ndoum, où l'ONU elle-même recuse les 49 soldats comme faisant partie de ses contingents, quelle est alors leur mission réelle au Mali? Je pose ma question. Peut-être qu'on n'a pas bien entendu. À partir du moment où l'ONU elle-même recuse les soldats, donc, okay, moi je ne les connais pas, mais très bien de le dire. C'est peut-être l'occasion pour de mettre encore plus à mal le président Alassane Dramane Ouattara qui officiellement... L'ONU peut mettre à mal M. Ouattara. Mais puisque dans le cas d'espèce, ils ne peuvent pas accepter clairement qu'il soit responsable de cette mission spéciale du côté de Bamako. Mais comment vous a dit pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas admettre que vous voyez sont dépassés? Pourquoi ils sont trop forts? Ils sont dépassés quand la violence et les manœuvres mysticoses et rationnelles ne marchent plus. On voit leur vraie nature. C'est-à-dire que des gens inconsistants. Vu que vous prouvez qu'ils sont trop forts. Mais, monsieur Ndoum, vous voulez que je vous rappelle un peu ce que vous connaissez déjà? Qui a mis le criminel au pouvoir? Vous voyez comment vous êtes silencieux? C'est l'ONU. c'est moi qui pose la question et vous apportez des éléments de réponse, je vous en prie, président. Vous avez compris que ce n'est pas vous que je pose. Je fais ce qu'on appelle de la rhétorique pédagogique. C'est tout, c'est pas vous qui posez la question, c'est vous le patron ici. Vous m'avez demandé, je suis en train de vous rappeler quelque chose qui vous est fait déjà, pour que vous sachiez que l'ONU, c'est M. Ouattara. Comment on appelle l'organisation de l'ONU qui est en Côte d'Ivoire? C'est un nom là. L'ONUCI. La MUNICI ou la. L'ONUCI, oui. C'est ça. L'ONUCI a créé une rébellion en Côte d'Ivoire. Vous tombez bien. Ouattara qui a créé une rébellion. Une rébellion, c'est trop compliqué pour M. Ouattara. Il n'y a pas Guillaume Soro, il faut arrêter ça. Guillaume Soro, c'est trop compliqué pour lui. Ceux qui ont monté cette rébellion s'appellent M. Comporé, ses sbires de rebelles qui dormaient à Ouaga. Tout ça, M. Ndoum, sous le parrainage du représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire, le bandit Yongi Choi, un bandit de grand chemin qu'on doit rechercher, arrêter et fusiller. Yongi Choi, un brigand de grand chemin. Tout ça a été monté sur le parapluie secret de l'ONU. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça s'est passé comme ça. Tu n'allais jamais savoir. Ça s'est passé comme ça. Et on vous fait croire que Guillaume Soro, c'est un grand, il peut faire une grande armée. C'est maintenant qu'on va savoir qu'il est un rebelle. Il fait quoi? Il se balade, il fait quoi? C'est maintenant qu'il allait faire la rébellion. C'est maintenant que Guillaume Soro doit montrer au monde qu'il est un vrai rebelle, parce qu'on l'a touché dans son honneur. Il doit monter une armée de rebelles, aller chasser son ancien complice. Mais sauf que là, il est à distance. Maintenant, il fait la paix, c'est qu'il veut tout dire. Il fait la paix, c'est qu'il veut tout dire. C'est pas un rebelle, on l'a mis là. C'est eux, c'est l'ONU. Et quand ça a chauffé, qu'il s'est passé, mais ils sont sortis, ils ont laissé tomber le masque, ils ont marché main dans la main avec les rebelles dans les opérations militaires conjointes. C'est-à-dire qu'on a vu l'ONU dans des opérations conjointes avec la rébellion ivoirienne pour chasser le président constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Vous oubliez les crimes de l'ONU, non, n'oubliez pas. Ce sont des crimes qui s'enchaînent. Et quand vous ne faites pas la filiation des crimes, vous ne comprenez pas que vous avez affaire à la plus vieille criminalité du monde, qui enchaîne crime contre crime depuis des millénaires, ça ne s'est jamais arrêté. Quand on a affaire à un palais futur, c'est Satan lui-même qu'on combat, monsieur. Vous devez affaire à Satan. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire d'isoler les séquences. Il dit que la Libye. Non. C'est quand vous. Ça ne s'est jamais arrêté. Ça, ce sont les mêmes gens. Depuis la Rome antique, ce sont les mêmes gens. Depuis Rome. Et ce sont les mêmes gens. C'est dans la main. Mais ça, c'est le crime permanent. C'est le crime élevé au niveau d'une pratique de civilisation. C'est cela qu'il s'agit, c'est leur essence. Donc, comment peut-on croire que M. Ouattara, que l'on y est trop propre, non? Ils ont lâché Ouattara. Non, non, non. Quand c'est grave, qu'ils sont sacrifiés, c'est un souffle qui va pleurer sur ce souffle. Il n'est même pas un souffle fait. C'est-à-dire que c'est un planton de dernier service. Donc, quand ça chauffe, on jette ça sur lui. C'est le principe, non? Alors, puisqu'il demande désormais. Mais c'est l'ONU qui est derrière. Mais puisque l'ONU voudrait désormais imposer au gouvernement de Côte d'Ivoire de négocier avec l'État malien. Je ne sais pas, l'ONU a dit ça. Non, vous êtes unanime sur la question que oui. M. Guillaume Soro a clairement rendue officielle, une dictée préparée. C'est-à-dire, puisqu'on le sait clairement, il n'a plus un véritable poids diplomatique et politique au sein du Mali, que dis-je, de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on veut préserver là, dans le cas d'espèce? Non, on veut faire passer l'affaire, c'est tout. Je veux que ça passe vite. C'est tout. Et que vous, comme le noir, on n'a pas de mémoire. Le nègre oublie, il rit. Il regarde le football, il danse. Il va oublier. Là, moi, on n'oublie pas, mais qui m'a voulu le rappeler. En disant, on n'oublie pas ça, on règle ça, on n'oublie pas. Parce que là, c'est l'occasion en or qui vous est donnée. C'est-à-dire que, comme on dit chez nous, Dieu vous livre votre ennemi. C'est de cela qu'il s'agit. Mais cette affaire est grave. Est-ce un hasard si le gouvernement malien a répondu sur la question pour suspendre toutes les rotations de contingents? Tout. Vous pensez que c'est le hasard? Ça arrive à un moment où l'ONU musclait ses faux muscles contre Bamako en racontant les histoires de plein de longues bêtises comme ça. Pour justifier la protection des terroristes au Mali, c'est de cela qu'il s'agit. C'est le coup de qui de la France. Mais cette affaire ruine toute la stratégie qu'ils ont mise en place depuis au moins 6-7 mois. Je vous rappelle que c'est près d'un an de travail de la part de la diplomatie française en coulisses. C'est-à-dire que, d'abord, diaboliser l'État malien, démontrer que c'est un État qui travaille avec les mercenaires, donc, ne lutte pas contre le terrorisme, contre les terroristes, amener ça à l'ONU. Pour qu'il y ait un mandat pour soit les gens faire des enquêtes sur les droits de l'homme, c'est-à-dire qu'ils vont aller tuer les gens, mettre ça sur le dos de l'État malien, et l'ONU viendra valider, et par rapport à ça, justifier, légitimer la présence de Barkhane au Niger, c'est-à-dire de l'OTAN au Niger. Et justifier, là, enfin, que les forces là vont sortir et dire que nous sommes l'OTAN. C'est ça qu'on veut, nous sommes l'OTAN. Il faut bien justifier ça. Ça fait beaucoup d'un an de travail qui est remis à terre par cet événement-ci. Qui démontre de quoi il s'agit réellement, mon cher Fabrice. Moi, je vous donne les éléments. Je vous ai dit qu'à partir du moment où l'ONU recuse les 49 soldats, comme faisant partie de ces contingents, quelle était donc leur mission? Deuxième question fondamentale. Pourquoi Abidjan a attendu 48 heures après l'intervention des 49 soldats et 24 heures après l'annonce publique du gouvernement malien avant de réagir? Donc, arrête tes soldats, tu attends 2 jours pour réagir. Et si un détail disparaît, tu fais quoi? Et si un détail parle, comme disait il parle, tu fais quoi? Mais on pose quelle question là? Il n'y a qu'en Afrique, mais c'est quand même extraordinaire. Il n'y a qu'en Afrique, on voit ce genre. On pose cette question. C'est dehors. Vous avez en face de vous un État bandit, dirigé par un grand bandit international qui passe son temps à détruire l'Afrique, et ses parrains qui sont déshabillés en plein jour, nus. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous échappez leur budget de famille, vous coupez ça. Mais tout ce qu'il y a à faire, on a stable le budget de famille, on coupe. des familles. Mais les Africains vont chercher à aller jouer au football, ils vont rire. Ils vont dire non, attention, écoutez, c'est même vrai. Bon, les Maliens dérangent aussi, c'est la paranoïa. Ils sont paranoïa. Comment on a payé certains journaleux pour dire tout et n'importe quoi, produire des faux documents, hein, pour dire que voici les documents montrés à distance. Mais quand tu fouilles, tu vois que c'est le document qui parle à la Côte d'Ivoire. Le destinataire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pas le Mali. Tout à fait. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, nous savons aujourd'hui, et c'est clair, on le savait depuis, que l'État malien, gentil et poli, au nom de Allah, a interpellé les dirigeants ivoiriens sur les 49 soldats dès le premier jour. Quelle était la réaction de l'habitant? Le premier malien vous l'a dit hier. C'est qu'on savait. Vous le niez que vous connaissez, vous niez que vous connaissez les gens. Pour sortir deux jours après de deux jours après vous dire que non, ce sont nos soldats. Il n'y a que Ouattara pour faire ça. Ça, c'est Ouattara, ça. La plus grande calamité qui a frappé ce continent. Ça, c'est Ouattara. Ça, c'est lui, ça. Voilà le régime d'Abidjan. C'est lui, ça. Il sort à la télé, il met la veste pour jouer au grand. Il incarne quelque chose de grand. Il se ment lui-même. Hein. Que donc, moi, je suis comme moi, Ouattara. J'incarne une grande idée en Afrique. C'est quand même grand. Comment? J'ai fait une alliance avec la communauté intéressante en place au pouvoir. Je ne suis pas n'importe qui. Vous ne me voyez pas, il faut me respecter. Personne ne va respecter ce monsieur. Il ne digne de respect par personne. Même la poubelle de l'histoire va le jeter. Même la poubelle va le jeter. La poubelle va dire que tu n'entres pas ici. Mais c'est de cela qu'il s'agit, mon cher Doum. Cette affaire, c'est du pain béni. Vous comprenez? Maintenant, bon, l'État malien va gérer ça à son avantage. Parce que je voudrais vous rappeler que les 49 soldats masquent autre chose. À partir du moment où ces contingents agissent hors mandat, leurs rotations sont hors mandat. Mais comment faites-vous pour empêcher qu'on infiltre les mercenaires dans votre pays? Maintenant, nous savons que les sept autres missions qui arrivent, la Côte d'Ivoire a profité pour infiltrer le Mali de mercenaires. Nous le savons. C'est établi aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les mercenaires, les 30 soldats spéciaux-là, leur nom et leur matricule sont dehors? Est-ce que vous le savez? On aura d'ailleurs la liste tout à l'heure. Non, mais nous parlons par l'air, Doum. Ouais. Nous parlons par l'air. Leur nom et leur matricule sont connus maintenant. Alors nous parlons. C'est connu. C'est pas le jeu. Monsieur Ouattara a toujours profité de ses missions sous ordre de ses parrains internationaux, de la pègre internationale, qui s'est fait appeler communauté internationale. Il a passé le temps à infiltrer des mercenaires en passant par ce réseau. C'est démontré aujourd'hui. Et il y a des antécédents. Ce n'est pas une question qu'on pose. Monsieur Ouattara a le mandat de la pègre internationale, déguisée en communauté internationale, de déstabiliser le Mali. C'est la condition pour qu'il reçoive le galon de traître et de calamité internationale, qu'il reçoive encore l'autre galon. La condition. Je parle par là. Il y a des éléments, des preuves. On va commencer à les citer. Les sanctions de la CDAO qui était devant. Monsieur Ouattara. Ah, très bien. Monsieur Ouattara était en première ligne. On peut continuer. C'est-à-dire que qui a fait entrer, qui a fait traverser le ciel malien par un avion de guerre français. C'est parti d'Abidjan. Je pense que c'est le 22 mars. Et l'avion de guerre français est parti d'Abidjan et a traversé le passage du Mali sans l'accord du gouvernement malien. Vous avez oublié, ça partait d'où? D'Abidjan. On peut continuer. Monsieur Ouattara a fait entrer des forces spéciales ivoiriennes déguisées comme djihadistes et Dozo dans le centre du Mali. Là encore, il y a la liste de leurs noms, l'immatriculation de leurs voitures. Comme par hasard, toutes ces immatriculations ivoiriennes. Vous connaissez la mission? D'aller semer la guerre intercommunautaire entre les Dogons, les Pôles et les Bambara. Au service de la France. Les djihadistes d'un côté agressent les peuples, leur font croire que ce sont les Dogons, en baraque les agressent, et les Dozo de l'autre côté agressent les autres, et leur font dire que c'est les peuples et les Dogons qui sont en train de vous agresser. Ce sont des faits établis. Ça fonctionne comme ça. Donc vous avez quelqu'un qui a pour spécialité de se cacher derrière la tour du président, qu'on lui demande de respecter, et de l'appeler chef d'État, pour commettre des crimes. Déstabiliser les voisins et bloquer l'avancée du continent africain. Il faut tolérer ça et le laisser parce qu'il faut qu'il veste ce qu'on appelle président. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a plein de renégats que la paix internationale a ramassé dans la rue et a fait habiller de vestes en disant que non, c'est un président qui vient dans une réunion, il vous regarde, vous vous respectez, c'est un chef d'État. Chef d'État de quoi? De merde. Président de quoi? Mais il faut arrêter ça, on nous intimide toujours avec ce titre-là. C'est ça le comportement d'un président. Mais qu'est-ce que le Mali a fait à M. Ouattara? Les Maliens l'ont aidé à prendre le pouvoir. C'est ça la récompense? Bon, au Mali, de tirer les leçons, puisque son nom de la fraternité musulmane, musulmane, tribale, c'est parce que vous racontez qu'on s'est mis derrière le frère que Dieu a envoyé pour sauver contre les méchants, les Ivoiriens du Sud qui n'aiment pas les nordistes, dans la pure division coloniale qui oppose les Africains. Voilà le frère, voilà le frère. Aujourd'hui, voilà la récompense que donnent les Maliens. J'espère que les Maliens là, qui ont cru à ce genre de fables sont en train de se ressaisir, de comprendre ce que ça veut dire. J'espère qu'ils comprennent qui est ce monsieur et ceux qui l'ont habillé hier. Dit que le grand héros qui vient du FMI, il connaît l'économie. On a bien vu son niveau, Béki n'a pas voulu aller loin. On a vu son niveau dans la conversation avec son notre grand économiste. C'est tout à fait docteur Boubou Cissé. Hein? Vous l'appelez qui? Docteur Boubou Cissé. Il est docteur. Hein? Donc, Boubou Cissé est docteur. Voilà le grand économiste. Il a dit que le Mali a 2 semaines pour tomber. C'est moi qui ai dit. Non. C'est pas lui. Bon, après 2 semaines, ils sont plutôt allés lever l'embargo. On peut que rire, Fabrice. Rire et pleurer. C'est-à-dire que deux plus grands économistes du monde, l'ancien gestionnaire directeur général adjoint du FMI. Vraiment, mon Dieu, on confond tout ici. Elle dit, on le connaît même pas, s'il a écrit sur le plan d'économie un jour. Il allait gérer le FMI. On a dit, comme tu sors, tu as été directeur adjoint du FMI, alias vendeur de programmes d'ajustement structurel. Voilà sa performance économique. Il s'est autoproclamé le plus grand économiste africain. Ok. Bon. Comme vous aimez le titre, on a accepté. Il a ramassé son complice, Petit Ouattara. Boubou Cissé, alias Petit Ouattara. Hein? Lui aussi, ancien ministre des Finances. Ancien ministre des Finances. apprenti grand économiste aussi. Voilà. Donc les deux, le maître et l'élève, se sont assis. Ils nous ont fait une grande conférence de génie économique. Ils nous ont dit que le Mali a 2 semaines pour tenir. Boubou Cissé, parlant en sommet, 2 semaines. Bon, nous on a compté 2 semaines. On a même donné encore un délai. On l'ajoute encore. Comme vous êtes trop fort. Après le délai, on lève plutôt les sanctions. Le Mali n'est pas tombé. Maintenant, il faut le faire tomber à tout prix, à tous les prix. Avec les mercenaires. Absolument. Vous avez vu son vrai diplôme, non? Voilà son vrai diplôme. Mercenariat. Voilà son vrai diplôme. Merci à vous. Monsieur Ouattara, c'est un mercenaire. Voilà son vrai diplôme. Des gens comme ça, les Boubou Cissé et les autres, Fabrice, donc vous savez, il est temps que les Africains s'en occupent. Il est temps qu'on s'en occupe. Le temps, on est dans une période, dans une saison sérieuse pour l'Afrique. Ça passe ou ça casse. Des gens comme ça, avec leur soutien international et la pègre internationale, des Macron, des Van Leyen, ce machin-là, des Trudeau au Canada, du sénile de Washington. Des gens comme ça, les peuples doivent prendre leur responsabilité pour les, c'est-à-dire, faut les vomir de l'histoire. Il faut qu'ils sentent que personne ne les aime dans le monde. Que partout ils passent, on vomit. À défaut de couper la tête. D'accord, merci à vous. Président Mbanakane, on aura, il y a d'ailleurs beaucoup d'internautes qui nous écrivent, ils disent qu'ils veulent ils veulent connaître les noms et les matricules de ces mercenaires. Bertrand vous donnera quelques éléments tout à l'heure. C'est d'ailleurs à son pouvoir discrétionnaire. On va lui permettre tout à l'heure. Le temps pour nous d'écouter les téléspectateurs qui veulent également réagir autour d'un de ces faits d'actualité, de ce fait d'actualité qui nous intéresse. On va aller au standard pour apprécier également leur lecture des faits. Au téléphone, bonsoir. Nous vous écoutons, bienvenue, vous êtes en direct. Bonsoir. Je salue le président Balakani et tous les invités d'Afrique Média. J'appelle du Mali, je suis Rita Saïm-Souman. Vraiment, Afrique Média, le monde chez nous, c'est vraiment la réalité. L'information que vous avez donnée à l'Afrique, surtout au Mali, vraiment, vraiment, on vous remercie. Parce qu'il y a un manque d'informations, il y a un manque d'informations réelles. On vous remercie beaucoup au nom de tout le Mali. Et tous les panafricains du monde, soyons soudés. l'Afrique médiane, le monde chez nous, les panafricains vont réussir, s'il te plaît, Dieu. Le Mali est un grand pays. C'est ce que beaucoup de monde, beaucoup de messieurs ont oublié. Mais ce qui fait mal, c'est quand notre messieurs devait être éliminé d'abord, après on en parle. C'est ce qui a fait Hamel Sékou Touré de la Guinée. Et quand on a les messieurs, on ne doit pas attendre, on les élimine d'abord et puis on en parle. Comment pouvez-vous comprendre que le ministre de la Défense du Mali appelle le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et dit qu'il n'est pas au courant? Le chef d'état-major du Mali appelle le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire et dit qu'il n'est pas au courant. Le président du Mali appelle le président Alassane, il dit qu'il vient prendre acte. Effectivement, il a pris acte après quelques jours, il dit libéré sans condition. Moi, ce que je vais dire aux Maliens résidents en Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens qui résident au Mali, de savoir que ce n'y a rien entre Maliens et Ivoiriens. C'est un mercenaire qui a la présence de la Côte d'Ivoire qui veut détruire l'avenir de l'Afrique. Donc restons soudés. Nous allons réussir un jour. L'Afrique médiale est morte chez nous. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci de nous suivre donc depuis Bamako, vraisemblablement du côté du Mali. On va rester au téléphone pour accueillir le second appelant. Bonsoir, bienvenue. Présentez-vous et donnez votre contribution. Nous vous accueillons. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, mon cher ami journaliste. Mon nom, c'est Amandré. J'appelle des États-Unis. Je n'ai pas du tout le retour. Hein. Je ne sais pas quand même. Si vous entendez, c'est bon. Alors, j'aimerais certainement remercier vos invités, remercier ce plateau qui est vraiment riche. Et à travers leur intervention, nous avons beaucoup appris et c'est à travers ces enseignements-là que moi j'aimerais tirer une conclusion. La conclusion que je tire est qu'à travers le modèle de leadership implémenté par les autorités maliennes actuelles, nous devons conclure que le Mali actuellement est, comment je vais dire ça, a gagné, on peut le dire, le combat contre ses ennemis extérieurs. Ces ennemis extérieurs, on les connaît, ce sont les Occidentaux. Donc, s'il y a un conseil, un appui que nous devons donner à ces autorités maliennes, ou bien s'il y a une aide que nous devons apporter à ces autorités maliennes, c'est de pouvoir les aider à combattre leurs ennemis internes. Je répète, les autorités maliennes, à travers le leadership d'Assimi Goïta, nous ont démontré qu'elles sont capables et elles l'ont fait déjà de gagner leur ennemi externe. Et le seul problème dont ces autorités ont aujourd'hui, c'est de pouvoir gagner, c'est de pouvoir vaincre leur ennemi interne. La France a quitté le Mali. Les Occidentaux n'ont absolument plus rien fait actuellement au Mali. Et ces autorités passent au jour d'aujourd'hui par les ennemis internes du Mali pour attaquer le Mali. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons orienter notre aide pour ces autorités-là. Et parmi ces ennemis internes du Mali, il y a Alassane Ouattara. Je ne vais pas parler de Côte d'Ivoire, je parle de Alassane Ouattara. Il y a aussi Macky Sall, Macky Sall. Il y a aussi Bazoum Diallo. Et entre autres, il y a aussi les débits au Tchad. Ce sont ceux qui constituent aujourd'hui les ennemis internes du Mali. Et c'est ceux-là que nous devons aider le Mali à combattre. Pour revenir à la question, mais je pense que monsieur le jeune, vous avez posé une question à votre invité Bertrand, mais il n'a pas, je ne sais pas s'il a oublié, mais il n'a pas répondu à cette question. Puisque le nœud du problème, c'est au niveau de cette société SAS dont on parle. Cette société n'appartient même pas au frère de Macky Sall, mais elle appartient à Macky Sall, le président sénégalais. Et cette société est au Mali depuis fort longtemps pour des missions de déstabilisation. Maintenant, quand votre invité, celui qui a porté le chapeau, disait que c'est vrai que l'ONU a condamné, n'est-ce pas, le fait que ces mercenaires n'étaient pas des mercenaires, des soldats de l'ONU, mais il n'a pas poursuivi la réflexion en disant que, mais l'ONU qui l'a condamné est obligé de la condamner parce que, comme ils l'ont dit, mais ils sont pris en flagrant délit. Donc, à travers cette société, Macky Sall et Ouattara continuent de déstabiliser le Mali. Un Macky Sall que des gens encore sur le plateau continuent de soutenir. parce que Macky Sall est parti en Russie, on dit que bon, il a bien fait. Non, mais si on fait une analyse longue, mais ce monsieur est au service des Occidentaux. Je vous rappelle que le chancelier allemand est venu le voir et automatiquement, ce monsieur a dit qu'il est prêt à mettre le gaz sénégalais à la disposition de l'Europe pour contourner les sanctions russes. Donc, c'est un monsieur, si on fait une analyse longue, on doit savoir qu'il constitue l'un des pions de la France en Afrique qui déstabilise le Mali. Ces mercenaires, il faut les juger en tant que mercenaires et ne pas céder à une sorte de pression venant de la Côte d'Ivoire ou venant du Sénégal. Donc, c'est l'apport que moi j'aimerais donner aujourd'hui. Le Mali a vaincu ses ennemis extérieurs, mais ses ennemis extérieurs passent par des ennemis internes qui continuent de faire du mal au Mali. Et c'est dans ce sens qu'on doit orienter nos soutiens au peuple malien, aux dirigeants maliens. À mon avis. Merci à vous, à Amoré, pour votre contribution. On va rester au standard. Bonsoir, bienvenue. Nous vous écoutons au téléphone. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bienvenue à l'antenne. Ok, merci. Donc, j'aimerais passer un salut à la fois fraternel et respectueux à l'ensemble de mes aînés sur le plateau. Je vais les saluer comme ça en général, parce que bon, tout le monde me connaît et je connais les panélistes. Et comme ça, ça me permettra de gagner en temps. Premièrement, comme les invités, j'aimerais féliciter la double action, je vais le dire ainsi, des BIRS du Cameroun et de la police camerounaise pour avoir administré une bonne correction à l'un de vos ennemis. Monsieur Tatsinda sait de quoi je parle. J'ai fait un tour sur son mur Facebook. Il faut continuer dans ce sens. Il ne faut pas être mou avec ce genre d'agité du bocal. Nous devons les poursuivre partout où ils sont dans nos différents pays. Au Burundi, nous n'agissons pas différemment. Et je vais rebondir sur les propos qu'a tenu notamment le président du NMP, un brillant analyste parmi d'autres. Je suis content que le Cameroun abrite un tel vivier de gens érudits. Il a raison de dire que les gens soi-disant démocrates ont une parfaite expérience dans la déstabilisation des États. Je vais donner deux éléments importants parce que j'invite continuellement, et je pense que je vais le faire souvent, les Africains à se plonger corps et âme dans la géopolitique et la géostratégie. Il y a un personnage qui s'appelle le duc de Wellington. C'est un ancien premier ministre britannique et il est le tombeur de Napoléon lors de la bataille de Waterloo. Et un autre monsieur qui s'appelle Metternich. C'est un ancien ministre et diplomate allemand. Ils ont tous les deux contribué à ce qu'on appelle l'équilibre des forces dans ce qu'on appelle les accords de Westphalie. Cette méthode de gouverner est à l'origine de tous les agissements que vous avez vus de par le monde, notamment jusqu'à la Maison Blanche. Ces gens-là ont hérité des anciennes pratiques politiques de l'ancien régime, de Napoléon, de la couronne britannique. Et justement, c'est l'avènement des BRICS qui vient de casser cela. Donc si les Africains veulent comprendre vraiment ce qui se passe, je les invite, exactement comme mes grands frères que vous avez invités, à mettre de côté la Ligue des Champions, la Bundesliga, le championnat de la Ligue 1 en France, et à vraiment se documenter de façon avancée dans ce genre de notions, de sorte qu'ils ne seront plus surpris à cause des soubresauts d'un nain géopolitique comme M. Macron. Pour ne pas m'éterniser sur le plateau, j'aimerais réitérer un appel que j'ai fait hier sur un autre média. Au Cameroun, mais pas uniquement au Cameroun, mais là c'est là que M. Macron est annoncé d'ici une semaine. Vous avez suffisamment accueilli ce genre de nain géopolitique en dansant, en immobilisant, en suspendant la vie de vos cités. Vous devez l'accueillir comme un président lambda. Un chef d'État français n'a jamais été grand. C'est De Gaulle qui a réussi ce coup de force avec la France-Afrique. mais la puissance de la France a été éteinte à Waterloo avec l'ancien empereur Napoléon Ier du nom. Tout ce qui s'est passé après, c'est une parfaite illusion que des sous-préfets comme Ouattara, Bazoum ont l'air de prendre pour une vérité. Mais les véritables dirigeants de ce monde, quand on parle de grands, ils sont trois. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc, de grâce, mes chers frères et sœurs du Cameroun, accueillez ce monsieur comme il est. Un monsieur qui dirige un pays qui s'appelle la France, mais un pays lambda. Point. Je m'arrête ici pour laisser la parole à d'autres. Bonne fin de week-end à chacun et à chacune. Afrique Média, le monde, c'est nous, une fois de plus. Et c'était donc Delphin au téléphone depuis Gitega. On va prendre un autre appelant, peut-être trois derniers, avant de revenir sur le plateau avec nos invités qui sont confortablement installés au téléphone. Bonsoir, votre contribution, merci de vous présenter. Bienvenue. Nous vous écoutons, bienvenue. Bonsoir, bonsoir Fabrice, bonsoir, je ne sais pas, je n'ai pas le retour, mais je vais essayer de parler quand même. Je salue vos invités et Tatinda, Petima, Badakani et notre frère Basileke. Je vous salue tous. Nous apprécions vraiment vos analyses humaines. C'est très beau, c'est bon, c'est vraiment, c'est éducatif. Et ça sensibilise toujours, que Dieu vous bénisse. Ouais, moi, j'ai une préoccupation. C'est-à-dire, si vous voyez dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, l'Occident, le groupe qu'on appelle l'Occident, ces individus-là ne font que penser du mal des autres. Ils ne cherchent que comment faire pour tuer les autres, pour détruire les autres, pour voler les autres. Quels sont ces gens d'individus? Nous, en tant que croyants en Dieu, nous voyons que c'est le mal, c'est Lucifer. Si tu n'appartiens pas à Lucifer, tu ne peux pas penser chaque fois le mal de ton frère. Tu vas chaque fois, pour ce que tu vas faire, même manger et tout ce que tu étudies, tu ne vas que penser comment faire pour descendre, pour tuer l'autre qui appartient à Lucifer, le mal. Ça, nous devons utiliser notre foi en ce Dieu-là pour raisonner dans ce sens. C'est en cela que ce que je veux dire maintenant. Bittima a dit quelque chose tout à l'heure concernant les économistes. Ceux qu'on appelle aujourd'hui et qui dirigent le monde presque, ce sont soi-disant les économistes. C'est comme ça ainsi qu'on a fabriqué les Africains de la même manière pour le faire que quand ils sont économistes, ils ont tout. Parce qu'ils appartiennent à ces loges maçonniques, à ce groupe du mal, l'argent, le Dieu. Alors, quand ils sont là, ils se plaisent, ils font tout. C'est ce que Ouattara, c'est comme c'est un sataniste, Bantakari aussi l'a dit tout à l'heure, Ouattara cherche des grades auprès de Lucifer. Ouattara tellement fait du mal qu'il se donne encore en âme à Lucifer pour faire le mal. C'est pourquoi chaque fois quand il sourit, vous parlez que c'est un sourire d'amitié, non. C'est un sourire du mal. Voilà, il s'est de grâce. Et je vous dis en tout cela, en gros, spirituellement, ils vont tous échouer. Parce que tout se perd ici-bas. Dieu, le grand, le créateur du ciel et de la terre, va régler, va restaurer sa justice. L'Afrique a été trop pillée, tuée. Alors que c'est l'Afrique, même scientifiquement, que la vie a commencé. C'est la maison de Dieu. Mais Lucifer s'est érigé contre le continent africain pour détruire le continent. C'est ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui. Alors, ils vont payer le prix. C'est pourquoi la France, n'ayez pas de pitié. Macron aussi est dans ce sens-là. Il vient en Afrique, dans ce sens-là, pour vous, Zamadoué, ils vont payer le prix. N'ayez pas peur. Que les Maliens s'arment et avancent. Ils sont un ange gardien, la Russie. Avancez au large. N'ayez pas peur. Le diable est un cul. Que Dieu bénisse. Sommes en guerre. très effectivement en guerre, Monsieur Jean, depuis les États-Unis. On a reconnu votre timbre vocal ici en direct. Merci de continuer à nous suivre. On va donc rester au standard pour prendre un autre avis autour de ce fait d'actualité. Au téléphone, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Je vous salue. Je suis monsieur. Je suis un Malien, monsieur Balassane. Je suis un résident en France. Et je vous salue. Je tiens à saluer monsieur Bandagani, monsieur Bertrand. Vous m'entendez? On vous entend très bien. On vous entend. Allez-y. Ok. Alors, donc, je garde l'écoute. Non, vous êtes en direct, nous vous écoutons, vous êtes en direct. Allez-y, s'il vous plaît. Excusez-moi, il y avait un petit interférence. Donc, je disais, je salue d'abord vos panélistes, M. Bandagani, M. Bertrand et tonton qui est à côté, j'ai oublié son prénom. Je vous salue tous et je salue vraiment Arte Média pour le travail que vous faites sur le continent. Honnêtement, on a toujours rêvé d'un média comme Arte Média qui dit la vérité, qui analyse les choses en profondeur. Permettez-moi juste de rebondir sur ce que disait M. Bandagani que je suivais hier sur un autre média. M. Bandagani, vous avez raison. Vos coups de gueule, il fallait quelqu'un comme vous pour le dire et on est avec vous à 100%, on est d'accord avec vous à 100%. Vous êtes quelqu'un que je porte spécialement dans mon cœur, parce que tout ce que vous dites, c'est vraiment... Vous dites, oh, c'est que nous, nous passons pas. Donc, vraiment dire que ce que vous dites, là, c'est toute l'Afrique entière, on va dire 99% d'Africains le pensent, sincèrement. Même s'ils ont peut-être pas le kilo ou la grandeur et la puissance que vous avez de le dire, on fait vraiment, on vous le dit quand même, et ça fait plaisir d'entendre des voix comme la vôtre dire les vérités de façon crue, que ça soit bien entendu. Donc, partant de cela, moi je pense que M. Dramane Ouattara est maudit, ça c'est clair. Monsieur, juste pour vous donner un petit exemple, M. Dramane, quand il a été à la Mecque, il ne pouvait même pas marcher. Ça, c'est un signe pour nous, les musulmans. Quand on part à la Mecque, quand on est bien présent, on fait bien son pèlerinage, ses rites de façon normale. Il était quoi? Il était assis sur un poteau. Donc, si on part à la Mecque, on est mal présent, soit on est aveuglé, soit on est privé de ses membres. Ça, c'est des signes, en fait, pour juste appuyer vos dires. Et au-delà de ça, depuis les histoires de sanctions contre les Mali, moi je vous assure, je suis malien, j'ai entendu pas mal d'histoires, c'est que tous les sages du Mali ont fait une malédiction contre le monsieur. Le monsieur, il est assassin, il va toucher bientôt le front. Ça, c'est clair et net. Je tiens juste à vous saluer et je tenais vraiment à remercier pour votre travail. Sur ce, passez un bon dimanche. Merci. On va prendre le tout dernier avant de revenir. Monsieur est toujours autour de ce fait d'actualité au téléphone. Bonsoir, bienvenue. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour le président Bandagani. Bonjour les autres panélistes. Bonjour, bonjour l'Afrique. Alors, moi, j'aimerais bien poser la question à la CEDEAO. La CEDEAO a mis embargo sur le Mali pendant à peu près 6 à 7 mois. Ouais, 6 mois. Et que les Maliens étaient tous dans la galère. Aucun président africain, y compris Soro Guillaume, il était au courant quand même, personne n'a osé demander à la CEDEAO d'enlever l'embargo sur le Mali. Aucun président africain. Personne n'a dit à Ouattara, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Parce que, de grâce, les Maliens, ce sont des Africains. Macky Sall est allé jusqu'en Russie plaider le cas des Européens. Parce qu'il manque de céréales. Parce que les Européens n'ont pas de céréales pour manger le couscous ni le pain. Par contre, Macky Sall a mis embargo avec Ouattara. Ils ont mis embargo sur le Mali, qui est leur frère voisin, tout de suite à côté là. Du Sénégal au Mali, on peut même marcher pour aller du Sénégal, on peut marcher pour aller au Mali. Ils ont mis embargo sur ce pays frère. Les Maliens ont souffert, mais ils ont quand même tenu. Donc, ça veut dire que tous ceux qui font partie de la CEDEAO sont tous des mercenaires. Parce que le mercenaire, son rôle, c'est quoi? C'est de tuer, détruire et nuire. Alors, à partir du moment où on met embargo sur un pays, c'est-à-dire pour tuer les gens qui sont là-bas, si ces gens-là, les Maliens ne mangent pas, ils vont crever. Donc, leur rôle, là, c'était pour que la population malienne se révolte contre Assimi Goïta et sa bande. Comme ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Dans la précipitation, on enlève l'embargo et on envoie des pseudo-mercenaires, bon, des mercenaires au Mali. Le rôle d'un mercenaire, c'était pour aller tuer Assimi Goïta et sa bande, parce que ce sont eux qui les dérangent. Maintenant, par la grâce de Dieu, ils ont été attrapés, arrêtés. Et maintenant, il y a des gens qui sortent de gauche à droite pour dire il faut un dialogue. Ils vont dialoguer avec qui? Est-ce que Ouattara sait ce qu'on appelle le dialogue? On peut dialoguer avec un mercenaire en chef. Parce qu'il est le roi des mercenaires. Il est leur patron. On peut dialoguer avec un chef mercenaire. On va parler de quoi? Les Maliens vont parler de quoi avec Alassane Dramane Ouattara? Ce n'est pas sa première fois. Il a quand même puni ce peuple. Malgré ça, Assimi Goïta lui envoie des moutons, des bœufs pour qu'il mange. Et en guise de récompense, il lui envoie des mercenaires. Heureusement que les Maliens ont été vigilants. Aujourd'hui, on ne parlait plus d'eux. Donc le rôle de la justice malienne, c'est d'aller jusqu'au bout. Même si un jour on doit discuter ou même trouver une solution africaine, mais il faut que la justice malienne joue son rôle. Il faut que la justice malienne montre à la justice ivoirienne qu'au Mali, il y a une justice qui règne là-bas. On ne peut pas s'amuser avec les mercenaires. Ils étaient armés parce qu'il y avait un avion qui était bourré d'armes. Donc cette histoire-là, c'est quand même grave. On ne peut pas s'amuser avec ça. C'est quel pays qui peut accepter ça? Mais est-ce que la Côte d'Ivoire peut accepter que les Maliens envoient leurs militaires sans que le gouvernement ivoirien ne soit au courant? Donc cette histoire, c'est très grave. Voilà le Maroc qui a détruit les Africains. Voilà le Maroc qui a tué les Africains. On n'a pas vu la CEDEAO ni Ouattara parler du Maroc. Eux tous, ils ont fermé leur bouche. Ils ont fermé leur bouche. Mais quand il s'agit du Mali, ils font tout sortir de gros bras. Qu'est-ce que les Maliens ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ce peuple a fait à la fin de Dramane Ouattara? Mais quand ça chauffait sur lui en Côte d'Ivoire, en 2010, quand il y avait la rébellion, mais c'est au Mali qu'il est allé se réfugier, celui-là, avec sa famille. Ce sont les Maliens qui l'ont hébergé jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et en guise de récompense, il va contre ce peuple-là, qui ne lui a rien demandé. Je demande au président Assimi Goïta de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire. Cette fois-ci-là, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, il est l'ennemi numéro un des Africains. Il est contre les Africains. Il veut anéantir le continent africain pour faire plaisir aux Européens. Donc le président Assimi Goïta, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il faut qu'il montre à Alassane Dramane Ouattara qu'il n'est rien, qu'il est un mercenaire, qu'il n'est pas aimé en Afrique, qu'il n'est pas aimé par les Ivoiriens. Il est imposé par Sarkozy. Il a violé notre constitution et c'est un criminel. Je vous remercie. On va donc clairement refermer ce premier tour d'appel pour revenir en plateau. On insiste de l'autre côté qu'on doit prendre ce dernier appel. Permettez, docteur Basilikine, on va donc prendre ce dernier appel avant de vous revenir au téléphone. Votre contribution en une minute autour du fait d'actualité évoqué dans le cadre de ce programme. Bonsoir. Allez-y, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Bienvenue. Bonsoir, Afrique Média, et bonsoir, Fabrice Koudou. Bonsoir à tous les panélistes. Fabrice Doum, mais il y a une réalité, je crois, géopolitique qu'on ne peut occulter. Hein. Vous savez, la Côte d'Ivoire héberge une forte colonie malienne, très forte colonie malienne, et qui est très effrayant, qui est très riche, et ce sont des hommes d'affaires. Et je pense que ceux-là peuvent influencer négativement même dans comment on appelle le président Assimi Goïta. Et je pense que c'est de ceux-là, parce qu'ils ont des grands marchés, et c'est de ceux-là que Alassane Ouattara et la France même se servent pour pouvoir saboter la position, pouvoir saboter l'indépendance, la révolution au Mali. Président, là, je pense qu'il ne faut pas occulter cette réalité. Parce qu'on dit comme ça, pour gagner une élection en Côte, au Mali, Mais alors, pour gagner une élection comme ça au Mali, il faut forcément la gagner à Boaké. Il faut la gagner à Boaké. Est-ce que vous m'entendez? Non, parfaitement, madame. Voilà. Allô, Fabrice Ndoum, vous m'entendez? On vous entend parfaitement, madame. Donc, gagner une élection au Mali, il faut forcément la gagner à Boaké. Et je pense que le président Ouattara et la France est consciente de cela. Je veux dire qu'il y a cette influence négative-là sur même les propres ressortissants maliens en Côte d'Ivoire ici qui vont saboter la transition. Maintenant, deuxièmement, spirituellement parlant, le président Banakadi l'a relevé. Comment vous avez utilisé tous les moyens, c'est-à-dire toute la spiritualité africaine pour aider Dramane Ouattara à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? Maintenant, comment est-ce que le Mali peut s'arranger pour lutter encore contre ce monsieur? Je pense que le président Assimi Goïta est faible. Il faut le reconnaître. Hein. Il y a une certaine faiblesse du président Assimi Goïta vis-à-vis de Alassane Ouattara, parce que c'est lui. Il allait puiser toute la spiritualité africaine pour le faire comme chef d'État. Et je pense que, vraiment, j'entends encore que pendant la tabaski, le président Assimi Goïta a envoyé des vaches au président Alassane Ouattara. Moi, je veux comprendre. Voilà quelqu'un qui n'a jamais caché qu'il veut votre mort. Il a signé votre arrêt de mort. Il le manifeste tous les jours. Et vous, le président Assimi Goïta, c'est dans ce genre de choses-là que vous roulez. Vous êtes envoyé des vaches à un monsieur qui ne vous aime pas. Et il affiche tous les jours, il le dit. Il est prêt à tout pour avoir votre peau. Et voilà dans quoi on est. Donc, au président Assimi Goïta, moi, ce que je dis, c'est de juger ces gens-là, de ne même pas les libérer. Puisque lui, il nous a dit que quand on attaque un État, on emprisonne les prisonniers politiques, on ne doit pas les libérer. Il y a des prisonniers qui croupissent en prison depuis 12 ans. Il ne veut pas les relâcher. Donc là-bas, il ne faut pas les relâcher parce que là, ce sont des mercenaires. Et un mercenaire, on sait ce qu'on en fait. Nous ne sommes pas dans une affaire de coronavirus où on déclare 20 malades et puis après on dit il y a 50 guéris. Mais la zone Ouattara, ce n'est pas dans ça que nous sommes. Au président Assimi Goïta, d'utiliser toute la fermeté parce qu'il y va de la sécurité du Mali. Je vous remercie. Merci à vous, très chère madame, pour votre contribution combien importante. Et bien, on va d'ailleurs remarquer ce fait d'actualité, même pendant la fête de la Tabaski. Bien, le président Assimi Goïta a clairement nourri son frère ivoirien. Est-ce de la faiblesse? On en saura certainement avec nos invités qui sont en plateau, Dr. Basile Kin. On revient à vous puisqu'il est clairement établi et beaucoup avaient vite fait, du moins, de ne pas considérer cette réunion du G7 qui s'était réunie et puis qui avait clairement déclaré la guerre contre le Mali. Et on a vu rapidement comment les autorités espagnoles ont vite fait de se désolidariser, j'y arrive, de ce complot international. Aujourd'hui, les faits étant têtus, il est clair qu'il y a un complot international pour assassiner le colonel Assimi Goïta. Oui, on pourrait même se permettre de dire que c'est un complot franco-ivoirien. Même si on n'a pas de preuves, mais... Est-ce qu'à l'état actuel, Dr. Basilkin, on peut tergiverser? Non, non. Je crois que les autorités maliennes qui nous ont informés de ce que il y avait des mercenaires qui étaient armés, qui sont entrés illégalement au Mali, et ben que sont-ils allés faire, ces mercenaires? Pas des choses claires. Parce que quand on va chez son frère, si c'est clair, on lui dit « je viens te voir parce que... » Et puis après, il y a l'ordre d'émission qui devrait clairement voilà. vous précéder dans le cas d'espèce. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, je crois que ce n'est pas que de la suspicion, c'est de la prudence. Le président ivoirien a malheureusement prêté le flanc à la critique. Et au moins qu'il... Je ne sais pas si on peut se justifier d'un tel acte, mais si on était ailleurs, je vous assure que un acte comme celui-là aurait poussé quelqu'un comme M. Ouattara à aller voir ailleurs qu'à la présidence de la République ivoirienne. Mais voilà, c'est un commando qui a été mis en mission par la France éternelle, généreuse et civilisatrice. Pourquoi voulez-vous que ce monsieur Ouattara ne paye pas de tout ce qu'il peut pour faire plaisir à ses maîtres? C'est ce que je disais tout à l'heure au début de notre réflexion ici cet après-midi, que M. Ouattara, c'est le nègre de maison. Mais je crois quand même qu'il y a des pensées, il y a des penchants, il y a des habitudes de faire qui sont bonnes à certaines époques et qui cessent de l'être à d'autres époques. Aujourd'hui, où l'Afrique est en train de vouloir se mettre debout, affirmer sa place dans les conseils des nations, eh bien, quand un président africain se conduit comme ça, là, c'est malheureux. Et je crois que dans le cas d'espèce, même Dieu est pour la révolution malienne. Sinon, avec tous ces complots, ils étaient convaincus, il l'a dit, M. Ouattara, ils étaient convaincus que le Mali ne tiendrait pas 2 semaines. Voilà que 7 mois plus loin, le Mali est encore vent debout et que, par bonheur, ce sont les autorités actuelles qui ont initié cette affaire qui vont amener le Mali jusqu'à sa souveraineté pleine et complète internationale. Et ce faisant, elles vont ouvrir une porte pour le reste de l'Afrique noire francophone. Merci à vous, docteur Basilikine. Alors, Bertrand, je vous retrouve tout à l'heure et c'est tout à votre honneur, hein, par rapport effectivement aux matricules de ces mercenaires présents donc du côté du Mali. Mais ce que je voudrais clairement que l'on puisse questionner avec vous, c'est la présence de ces entreprises dites de sécurité qui viennent clairement à chaque fois interférer avec ces pseudo missions et autres ordres de missions venues de l'ONU, et vous avez d'ailleurs plusieurs fois interpellé les présidents à être vigilants par rapport à ces affaires, parce que c'est, on va dire, le chemin et la voie par excellence pour donner davantage quitus au mercenariat, l'activité de mercenariat sur le continent africain. Mais je voudrais clairement que l'on puisse, puisque pour le cas du Mali, on a un an pour visiblement arrêter avec la présence de la MINUSMA du côté du Mali, que doit-on faire, puisque on n'est pas sorti de l'auberge. Demain, on ne sait pas quel coup sera préparé contre les autorités de Bamako. Il faut arrêter avec les missions onusiennes. Mais pour l'instant, le président Banda a démontré clairement que les missions onusiennes sont en fait des cache-sexes pour ceux qui veulent vous déstabiliser. Et nous, au Cameroun, nous allons comprendre où voulait en venir un certain type d'homme politique qui demandait un grand dialogue avec présence de la communauté internationale. C'était introduire une mission onusienne au Cameroun. Et les manœuvres de certaines ambassades qui nous souriaient le jour, manœuvraient dans les couloirs des Nations Unies pour faire porter l'affaire au Conseil de sécurité. Le seul objectif qu'ils voulaient, c'était faire intervenir une mission onusienne. Parce que quand vous avez une mission onusienne, telles qu'elles sont préparées aujourd'hui et qu'elles sont mise en place sur le terrain, elle brille une bonne partie de votre souveraineté. C'est-à-dire que vous avez des éléments militaires, armés, opérationnels sur votre terrain, sur votre territoire, dont vous n'en êtes pas les chefs. Les patrons sont au Conseil de sécurité. Oui, mais maintenant, après, la France voudrait reconsidérer, du moins l'ONU voudrait reconsidérer sa position par rapport d'ailleurs à l'activité de leur contingent sur le continent africain. Vous l'avez d'ailleurs soulevé et souligné. Ils souhaitent désormais que ces contingents soient sous le commandement africain. Non, l'ONU ne veut rien. L'ONU ne veut rien. C'est la France, c'est M. Macron qui se rend compte que, dépassé par les événements, vomi et chassé par les peuples, des présidents qui ne veulent plus reconduire les accords de coopération et de défense, à part la Côte d'Ivoire, décident donc de vouloir faire un passe-passe, un tour de passe-passe, en expliquant à Africains que, oui, c'est un problème, moi je veux reconsidérer la présence du contingent français en Afrique. Et je suis prêt à aller à une forme de coopération où je mets le contingent français sous commandement africain. Mais mettre le contingent français sous commandement africain, c'est encore prendre les Africains pour des idiots. Parce que le patron peut être à Paris. Le patron peut être à Paris. Prenons un exemple. On prend un colonel ivoirien, on dit oui. Tu es patron de l'opération logistique de la Licorne. Il donnera quel ordre? C'est le ministre français de la Défense. C'est même son adjoint, si son adjoint est français, qui donnera les ordres. Donc lui sera juste là, comment pour amuser la galerie. Pour amuser la galerie. Vous ne l'aviez pas vu, le président Bandava l'expliquait dans le cas ivoirien. Je rappelle que quand il parlait du cas ivoirien, la force onusienne de l'ONUCI s'était faite appeler force impartiale. C'était marqué dans la résolution du Conseil de sécurité. Donc, force spatiale n'était pas une invention. La résolution du Conseil de sécurité, il y avait deux forces onusiennes. Il y avait la force licorne française qui avait pris un mandat pour elle comme force onusienne. Il y avait l'ONUCI. Et les deux étaient forces impartiales. Ne devaient en aucun moment intervenir dans les combats et devaient séparer les belligérants. Le président Banda vous l'a dit. Elles ont été forces impartiales. Mais voilà. Donc, les missions de onusiennes ne doivent pas exister. Il y avait une mission onusienne, la FINUL, au Liban. Il y avait une mission onusienne au Liban. Les Libanais, les Druzes, les Chiites, les Moudjahidines iraniennes se sont battus tant sur le terrain qu'au Conseil de sécurité. Ça s'appelait la FINUL. La FINUL est partie. La FINUL est partie. C'est le premier moyen de résoudre les problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez $1 milliard qui est reconduit chaque année, mais jamais sans audit. Mais où est le problème? Pourquoi on n'audite pas l'argent dépensé sur les forces onusiennes au Mali et questionner les résultats palpables sur le terrain? Et si cet argent, aujourd'hui, faut apporter des troupes, les forces de stabilisation et stabiliser un certain front de sécurité, pourquoi on ne peut pas mettre cet argent au service des États pour renforcer les capacités militaires de leurs armées? Parce qu'il ne faut pas que vous ayez des armées suffisamment solides pour faire face aux opérations Barracuda de M. Macron. Voilà le fond du problème. C'est-à-dire que l'accord de coopération vous tient, comme le président Banda l'a dit, plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international vous détruit votre économie. Vous avez quel ressort pour vous défendre quand on monte une opération de force spéciale infiltrée? Comment vous vous défendez? Parce que vous avez un accord de coopération et de défense qui explique que vous devez faire appel à la France. Mais quand vous faites appel à la France, le chef d'état-major des armées françaises vous explique que ça ne m'intéresse pas parce que ça, c'est une affaire intérieure à vous. Nous, au Cameroun, on a été naïfs à un moment donné, on l'a fait. Mais le patriarche président va comprendre très vite qu'il faut faire une réforme des armées et surtout, il faut que je mette sur pied des unités opérationnelles au commandement autonome avec une variété de partenaires géostratégiques. Voilà la doctrine de défense du Cameroun. Attaquer les intérêts du Cameroun. Vous allez vous rendre compte que ça va être difficile. C'est compliqué. Cinq fronts de guerre. Le pays est debout. Le pays tient. Et on arrive à trouver des unités combattantes d'élite pour les projeter dans des missions onusiennes, pour soutenir des pays frères comme la Centrafrique. Si le Cameroun n'avait pas décidé de tenir le corridor et de mettre ces éléments en avant-garde à Bossangoa-Ambrea, la RCA tombait, il n'y aurait plus de RCA. Ça a été une décision autonome. Ça a été une décision autonome, prise par le président de la République, répercutée à son état-major. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. On n'a pas eu besoin de forces onusiennes. Il n'y a pas eu besoin de force. Il n'y a même pas eu besoin que le Cameroun obtienne un soutien international à une résolution du Conseil de sécurité. Qu'on obtienne même un soutien financier. Il n'y a pas besoin de ça. C'est-à-dire que si l'ONU, comme le président Banda, était un peu, soit-il, une organisation sérieuse, eh bien, il dirait, Monsieur Goïta, faites-nous en fait un état des lieux, des besoins sur le plan militaire, des besoins sur le plan opérationnel. On peut financer l'opération à hauteur de 1 milliard et mettre donc un contrôleur financier. Pas de problème. C'est-à-dire que vous donnez l'argent, vous contrôlez de l'argent. Et permettre à partir de cet argent-là, mettre à la disposition de l'état, de l'état-major malien qui l'utilise pour opérationnaliser ses troupes et aller au combat contre les djihadistes. Mais si vous le faites, vous allez renforcer les capacités de l'armée malienne au point où le Mali ne va pas se contenter de dire que je veux être souverain. Ouais. Le Mali va dire que mais ce franc CFA, ça vaut quoi ? Mes relations commerciales avec la France, mais je ne suis plus d'accord. Donc d'autres demandes vont naître parce que les États auront déjà un outil militaire relativement robuste. Voilà ce qu'ils ne veulent pas que vous fassiez. Questionnez aussi cette histoire avec la visite de M. Bazoum au Tchad. J'ai lu et j'ai suivi l'interview de fin de visite. M. Bazoum est dans la démarche de convaincre le président Mahamat de pouvoir faire les bons offices auprès de M. Goïta de revenir dans le G5 Sahel. Est-ce que... Donc, quand vous questionnez, parlez de M. Ouattara, ben nous, mais vous avez un autre qu'on appelle M. Bazoum. Oui. Il est même... Donc, vous parlez de Ouattara sans parler de Bazoum. Bazoum sans même être autant dangereux que Ouattara. Sinon davantage. C'est un problème. Puisque pour le modèle occidental... Il part de son Niger natal. Il vient au Tchad essayer de convaincre le président Kaka de partir convaincre Goïta et de dire que non, c'est même une mauvaise face. Ils doivent revenir dans le G5 Sahel. Je rappelle que le G5 Sahel... C'est le premier annoncé que le G5 est mort lui-même, M. Bazoum. Le G5 Sahel a quel bilan ? Ils ont existé ? La fanfaronnade de M. Nous, on avait crié ici sur les plateaux que mais... Comment la France peut être à la tête d'un G5 Sahel ? L'idée n'était pas mauvaise parce que l'idée née en Mauritanie. L'idée née en Mauritanie, où cinq pays du Sahel. Et nous avons passé le temps à crier au G5 Sahel que mais, qu'est-ce qui vous empêche de venir regarder l'expérience de la force multinationale mixte ? La mise sur pied de la force multinationale mixte avec peu de moyens. On va lancer cette histoire avec 50 milliards de francs CFA. CFA, 50 milliards. Réunion de sécurité du président Biya, qui va convaincre ses pairs de la CEAC et dit il y a un problème. Il y a des pays qui n'ont pas envoyé des troupes, mais qui ont participé. Nos frères gabonais, la Guinée équatoriale, le Congo, on sera même nous fiers du Bénin. Parce que le Bénin va mettre un contingent de 800 hommes. Le brigadier général Edobe Creyo, le président va mettre l'état-major, il va mettre ses éléments, sa haute hiérarchie militaire et un certain nombre d'éléments. Boko Haram, c'était difficile. Les stratèges français expliquer qu'il n'y a rien à faire. On fera jouer une intervention française quand ils seront en Gandéré. C'est-à-dire syndrome ivoirien, interposition, faire entrer les troupes onusiennes, les faire appeler troupes impartiales et demander à M. Biya d'engager une démarche et une négociation directe avec les Boko Haram modérés et d'en nommer un premier ministre s'il le faut. On ne l'a pas fait avec M. Guillaume Soro. On n'a pas tordu la main au président Gbagbo de tendre la main et de faire ce qu'on appelle le dialogue direct de Ouagadougou et de faire de M. Guillaume Soro le premier ministre. En dépit de toutes ces concessions, est-ce que la rébellion a désarmé en Côte d'Ivoire ? Du tout. Est-ce qu'on a désarmé ? Est-ce qu'on a cantonné les rebelles ? Non. Mais on a demandé en même temps d'aller aux élections. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas seulement le front d'Abidjan. Il y a Niamey. Et le président Bazoum m'expliquait que ma hiérarchie militaire et les hiérarchies militaires françaises, nous sommes en discussion pour voir comment, quelle forme Barkhane prendra et tout pour lutter contre le terrorisme. Monsieur Bazoum en est encore à croire que Barkhane est sur le sol africain pour lutter contre le terrorisme. Moi, j'ai même envie de dire que mon problème, c'est Bazoum. Monsieur Ouattara, même, il est même partant. On va le chasser avant 2020, on va le chasser du bois. Mais c'est Bazoum mon problème. Parce que lui, il amène, comme on dit au quartier, il amène problème ici chez nous. Nous, on a un accord militaire avec le Tchad. Le Tchad, c'est un allié. Donc, le Tchad ne peut pas prendre une décision stratégique, même opérationnelle, sur le plan militaire, sans une véritable concertation. Avec ses alliés. Ce n'est même pas possible. Vous faites bien de questionner véritablement l'action de M. Bazoum, parce qu'il est considéré, en tout cas pour beaucoup, comme étant. Il est présenté comme étant un souffle nouveau de cette France qui est quasiment moribonde sous la gestion du Mais moins, au-delà d'être un souffle nouveau, je vous explique que Bazoum veut remettre en orbite le G5 Sahel. Or, Qui devait assurer la présence du G5 Sahel si les choses marchaient bien? Monsieur Assimi Goïta. C'est Monsieur Assimi Goïta. Mais est-ce que vous aviez vu Bazoum user de son entrejambe pour expliquer que les textes doivent être respectés? Mais il demande à ce qu'on fasse revenir le Mali dans le G5 Sahel. J'ai envie de lui dire, pour faire quoi? Il n'explique pas. Faire revenir le Mali, à quelles conditions? Il n'explique pas. Et surtout, il ne tient pas en compte des questions stratégiques claires qu'a posé le Mali avant de sortir du G5 Sahel. La question du financement, Monsieur Bazoum ne l'ouvre pas, ne répond pas. Mais vous parlez de Monsieur Bazoum. Il est gérant d'un État extra-régional dans ses communiqués. On en a d'ailleurs fait des productions. Vous parlez de Monsieur Bazoum. Le Niger est en paix. Le Niger est sécurisé. Oui, lui, il a Barkhane. Il devrait être le pays le plus sécurisé du monde parce que Monsieur Bazoum nous explique que vraiment, Barkhane, c'est la sécurité. Lui, le Niger est sécurisé. Mais voilà, Monsieur Fabrice Don. Donc, les missions onusiennes. Déjà, c'est un débat politique terrible. C'est pour ça que M. Tshisekedi n'a pas l'onction politique. Parce que les gens lui expliquent que tu étais parmi ceux qui ont demandé de maintenir la MINUSCO. Absolument. Aujourd'hui, le Rwanda prend pour pétesse la présence de la MINUSCO pour attaquer la RDC et dit que la MINUSCO est soutien logistique des FRDL. Les forces rwandaises de libération, c'est-à-dire les anciens génocidaires Hutus. C'est le prétexte de M. Kagame. Donc la MINUSCO, qui est force de stabilisation, n'est plus force impartiale. Elle a, pour M. Kagame, prend clairement parti pris. Et dire que la résolution de ce problème doit être vue de façon globale. Donc M. Kagame, à la limite, demande le départ de la MINUSCO. M. Tshisekedi, lui, maintient la MINUSCO. comment tu règles le problème, Fabrice? Conseil de sécurité, c'est-à-dire le secrétaire général qui a ses troupes prises à l'entrefeu, c'est-à-dire que symbole et enjeu de déstabilisation, Monsieur Guterres ne l'ouvre pas. Il ne parle pas. C'est-à-dire, voilà sa MINUSCO qui est problème. C'est-à-dire, un pays donne pour prétexte la présence de sa MINUSCO pour attaquer la RDC. L'autre dit que non, la MINUSCO n'a rien à voir, mais je veux la MINUSCO. Problème, guerre à RDC. Mais Monsieur Guterres ne parle pas. Donc voilà pourquoi Monsieur Tshisekedi n'a pas l'appui politique même pour lutter contre cette histoire. Pour lutter contre cette histoire. Et vous avez vu la condescendance de Monsieur Kagame face au journal. Mais c'est à la limite s'il riait. C'est-à-dire, j'ai même eu l'impression qu'il expliquait que moi je veux faire partie Monsieur Tshisekedi du pouvoir. Cette interview, pour moi, sonnait comme une mise en garde à l'endroit de M. Tshisekedi. Et dit que nous, Rwandais, petit pays en superficie, petite population, nous allons vous faire partie du pouvoir. Et quand il a cette condescendance-là, vous croyez qu'il n'a pas d'allié, il n'a pas quelqu'un dans l'obscurité qui lui dit que tu pourras compter sur mon soutien? Mais nous, on se pose la question. Comment celui, soi-disant, qui soutient M. Kagame, ne voit pas les intérêts d'une grosse RDC, 2 millions de kilomètres carrés avec tant de richesses? Comment il peut laisser ça pour aller? C'est un peu comme si vous avez le buffle et le hérisson. Vous courez derrière le hérisson, mais le buffle, c'est la viande pour vous pour 10 ans. Mais il faut rire un peu, monsieur Ndoum. Comment, qui peut soutenir monsieur Kagame? Mais c'est le président Banda qui a une réflexion un jour et dit que monsieur Tshisekedi ne peut pas mettre ses intérêts en jeu. Et dit que mon pétrole, mes matières premières, Washington, je te donne mon fils. Je m'en vais donner ça à Poutine. Papa Poutine, viens, voilà ça, ici. D'accord. Il faut parler comment à cette histoire-là. Donc, vous me demandez sur les missions onusiennes. Africain qui va accepter encore ces missions onusiennes sur son sol deviendra l'ennemi juré des panafricanistes. Parce que ça fait partie maintenant même de notre combat. Le départ des missions onusiennes. Merci à vous. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, le cauchemar de M. Goïta, c'est la présence de la MINUSCO sur son territoire. Absolument. Le cauchemar. C'est de là que viendra la déstabilisation du Mali. Pour 12 mois encore. Et c'est justement à propos que je vous ai interrogé pour savoir comment doit-il désormais se comporter. Et la question, je vous la repose, docteur Paul Bekima, puisqu'il devra désormais, j'en dis, c'est un mariage plus qu'incestueux, un mariage dangereux, un mariage compliqué auquel on devrait encore assister pour 12 mois, puisque le mandat a été renouvelé pour les 12 prochains mois. Il est clair qu'on aura des scénarios des plus inattendus côté malien, mais toujours est-il que le plan lui reste clairement défini, prédéfini. Il faut absolument, mais surtout tout faire pour éviter que le plan de stabilisation du Mali ne soit concrétisé. Alors, vu que c'est le Mali a essayé d'apporter un certain nombre d'ajustements, on parle désormais de la rotation du contingent qui est désormais contrôlée, mais il y a davantage plusieurs failles, comme celle d'ailleurs à laquelle nous sommes en train de décrire, notamment l'arrivée de ces forces, dit-on, spéciales, qui n'obéissent clairement à aucune règle, à aucune norme, mais qui sont quand même comme ça des boulevards proposés par l'Organisation des Nations Unies, qui pour l'instant reste assez compliqué pour le Mali. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Que doit-on clairement faire? Avant peut-être de dire un mot, si vous le souhaitez bien, autour de ces 49 soldats. Comment doit-on gérer cette affaire concrètement, Dr Paul Bekima? Oui, je commence par les 49 soldats. Et après, je vais enchaîner avec le Mali, parce que Delphine, qui a appelé, a dit quelque chose de fondamental. Et je reviendrai dessus sur le traité de Westphalie. Parce que pour mieux surveiller ou alors gérer son ennemi, il faut maîtriser sa nature. Parce que pendant longtemps, on a pensé que l'ONU était une organisation et qui répond objectif et qui répondait à ce qu'elle prétendait être. Tout et elle ne l'est pas. Et nous reviendrons. Pour les 48 soldats, 49 soldats ivoiriens, tout comme Bazoum, la vérité est que c'est des soldats gérés par des marionnettes. C'est pour ça qu'il faut être un état fantoche pour que, face à un tel incident, on attende 48 heures. Ça veut dire qu'on attendait des instructions pour pouvoir réagir avant de continuer. C'est-à-dire, ils ont commencé dans une espèce de cacophonie. Après, même la France, elle ne savait pas quoi dire. Après, elle leur donne une ligne et ils suivent. Vous croyez que quand Bazoum a demandé au président tchadien demander à Assimi Gouda de revenir au G5 Sahel, c'est une initiative de Bazoum? Non. On dit à Bazoum de faire sa mission. C'est-à-dire tous ces gens-là, un peu comme Léonba, vous avez entendu parler de Léonba. Même les Français eux-mêmes, après les indépendances, ils disent, ok, bon, maintenant enlevons quand même le gouverneur pour qu'on n'ait pas donné des ordres au président. Nommons un nouveau gouverneur. On nomme le nouveau gouverneur, trois jours sont là, Léon va se plaindre. Que mais depuis qu'il a nommé ce type, il ne me donne aucun ordre. Voilà le président de la République. Donc, voilà. Papa de Gaulle. Donc, Delphine a mis la clé sur quelque chose de clé, le traité de Westphalie. C'est dessus qu'est fondé les Nations Unies, 1648. Ce traité avait pour but de maintenir l'équilibre entre des États que eux-mêmes prétendaient être des États souverains. Que certains États qu'ils appellent civilisés sont souverains et ils acceptent le principe que ces États-là sont accompagnés de colonies. C'est pour ça que dans l'esprit de l'ONU jusqu'aujourd'hui, le Mali est une colonie française. C'est pour ça que toutes les résolutions sont fondées dessus. Et quelle est l'idéologie qui est derrière le fonctionnement de l'ONU? C'est ce qu'on appelle, j'en parlais, les démocraties libérales. Les démocraties libérales, c'est la couverture du globalisme et de la PSC des multinationales pour confisquer. C'est-à-dire, c'est ça qui masquait la confiscation des richesses africaines. Donc, on fait des missions. On veut imposer un modèle politique universel, d'organisation sociale universelle. Et du coup, ça met l'Occident en position de supériorité morale. Donc du coup, on ferme les yeux sur les crimes. Parce que c'est eux qui sont détenteurs de la morale universelle. C'est leur modèle qui représente le point d'achèvement du développement. Et voilà où on en est. Et maintenant, c'est pour ça qu'on ne peut même pas parler du Mali sans parler de la crise ukrainienne. Ce libéralisme-là, cette démocratie libérale qu'ils ont introduite, quel est son fondement? Ce qu'ils appellent les états de droit et les droits de l'homme. Vous savez qu'au nom des droits de l'homme, on laisse entrer toutes les déviances parce qu'il faut s'opposer à tout ce qui peut s'opposer à toutes formes de ce qu'ils appellent des libertés. Et liberté entendue au monde et au sens occidental du terme. Mais c'est en train de tomber et nous voyons donc en vérité des résistances. Le Mali, tu me demandais qu'est-ce que le Mali doit faire. Le Mali doit être le Mali. Parce qu'aujourd'hui, même d'un point de vue théorique, il y a les fondements. Les démocraties libérales ont échoué. il y a maintenant la PSC de ce que des auteurs, c'est-à-dire c'est l'un des plus grands théoriciens de ce type, Samuel Huntington, a appelé les États civilisation. C'est-à-dire où chacun a le droit d'avoir son propre modèle fondé sur sa trajectoire historique, sa culture, sa spiritualité et autres. Le Mali est une vieille tradition. Elle a une constitution plus vieille que la constitution française, 1236. Oui, de l'Europe. Au nom de quoi la France peut dire au Mali ce que le Mali doit faire? Vous savez que je n'accepte même plus l'idée que le pouvoir au Mali est un pouvoir de transition. C'est la base de quoi? C'est-à-dire, parce que même quand on fonctionne, nous voulons être d'accord avec le modèle occidental de leur démocratie. Mais le Mali aujourd'hui a tous les fondements pour rejeter. C'est-à-dire, pour rejeter toutes les résolutions des Nations Unies. Ils interviennent au Mali en tant que quoi maintenant? Puisque plus de 60% de la population mondiale a rejeté les démocraties libérales. Vous allez en Inde, on n'en parle pas. L'Inde est en train de revenir s'organiser autour de son néo-hindouisme. La Chine s'organise autour du néo-confucianisme. La Russie, l'enjeu de la guerre en Ukraine, c'est que la Russie essaye de se réorganiser autour de son catholicisme orthodoxe. Et essaie de reconstruire d'une certaine façon l'empire byzantin. Quand on regarde la Turquie pense à son empire ottoman. Si vous regardez l'Iran, l'Iran est en train de revenir un empire plus complexe de parler de sa théocratie iranienne. Quand l'Afghanistan a fait partie des Américains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est un émirat afghan qui vont s'organiser autour de leur tradition musulmane, afghane. Aujourd'hui, il n'y a plus, le modèle ne marche plus. Donc, l'ONU en vérité est quelque chose d'obsolète. Elle a servi de base pour la déstabilisation des pays africains. Tout le monde était presque d'accord, avait presque accepté leur globalisme. Mais aujourd'hui, ça a échoué et tout le monde le voit. Donc, il n'y a plus aucun fondement. En fait, c'est une organisation qu'on peut dire aujourd'hui, s'il y avait un droit international hors jeu, elle est illégale. Je ne peux pas appliquer les lois de mon village. T'as, si les lois de mon village étaient des lois universelles, Monsieur Doum, je peux vous les imposer. Pas la force. Mais à partir du moment où les lois de mon village ne sont pas universelles, au nom de quoi est-ce que je devrais vous dire comment organiser votre village? Et c'est ça le nouveau combat africain. Pour ça que il faut liquider l'ONU. C'est-à-dire, au minimum, il faut la réforme mettant autour de la nouvelle donne, oui. Oui. C'est les réformables. Exact. Le Fonds monétaire international, toutes les institutions qu'ils ont mises en place étaient fondées sur leur culture occidentale qui prétendait être universelle et qui ne l'est pas. Donc le Mali aujourd'hui ne doit affirmer que son identité malienne. Les autorités font ce qu'elles peuvent pour limiter les actions. Ce n'était que l'ONU peut-être qu'elle contrôlerait. Mais le problème est qu'il y a trop de traite autour. À chaque fois que quelque chose est contrôlé, il y a un pays voisin qui apporte quelque chose d'autre. Mais c'est incroyable. Donc, en vérité, aujourd'hui, tous les Africains devaient être mobilisés, et je crois que beaucoup le sont, pour se déclarer malien. Parce que déclarer la guerre aujourd'hui au Mali, c'est déclarer la guerre à l'Afrique tout entière. Tout à fait. Et je crois que le Mali, on a une très, très belle classe politique et elle est encourageante. Et croyez-moi, toutes ces manœuvres vont échouer et je l'ai dit une fois parce que même la conjoncture internationale ne permet pas à ces manœuvres de prospérer. J'ai toujours dit, les États-Unis ont une élection de mi-mandat en novembre. Les néoconservateurs et les libéraux seront balayés. Il va arriver au pouvoir aux États-Unis des conservateurs et des nationalistes qui en fait prônent leur souveraineté économique au niveau des États-Unis et ne s'occupent pas du monde extérieur. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Italie avec les femmes comme Giorgia Meloni et Matteo Salvini, qu'on va appeler des populistes. Mais en fait, c'est tous des nationalistes. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'évoluer vers le nationalisme. Sauf qu'on refuse clairement que l'Afrique, qui a véritablement donné cette classe dirigeante nationaliste, a été clairement liquidée. Aujourd'hui, un retour au nationalisme est pourtant mal vu du côté de l'Occident. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils voient ça d'un bon oeil, puisque c'est contre eux? Mais on s'en fout de ce que pense l'Occident. Et là, aujourd'hui,

bien que le Mali est sur la bonne voie, l'Afrique est sur la bonne voie, le monde occidental est paniqué et il est en train de s'effondrer devant nous. C'est à nous de tirer les conséquences et de tirer aussi le meilleur profit, si profit il y a. Mais en vérité, c'est de retourner ce que nous sommes à, et être indifférent à ce qui voudrait que nous soyons. Donc l'Afrique avance, les civilisations montent, descendent, la civilisation occidentale, si elle en était une, est en train de tomber. Ainsi va le monde. Merci à vous, docteur Paul Bétima. Allez-y, Bétima. C'est la panique totale au sein des gouvernements européens. En Italie, il y a des missions de gouvernement. Le président l'a refusé. En Hongrie, c'est un problème. Il est à 25% de taux d'inflation. En Pologne, la population ne se reconnaît plus dans son arc-boutiste et son va-t-en-guerre. C'est un gros problème. En Allemagne, le patronat hausse le ton et explique qu'elle ne peut pas, que ce n'est pas possible d'avoir autant de pertes sur le plan industriel par la politique, en quelque sorte, de cette coalition qui tient de moins en moins. On se demande s'il n'y aura pas d'élection anticipée en Allemagne. En France... Monsieur Macron n'a plus de majorité. C'est très compliqué. Il en a appelé à un gouvernement d'union nationale. Et bien, les gens lui ont dit d'aller se faire cuire un œuf et de foutre la paix. Et pour la première fois, on a vu un président français arriver sur les Champs-Élysées, sur le lieu du peuple. Voilà, comme le président Banda a dit, ce qui incarne encore la véritable réflexion pour le devenir des Africains. C'est un problème. Nous sommes le seul continent au monde à avoir encore ce type de et cette façon de faire. Nous sommes une spécificité. C'est un problème, une véritable réflexion à mener. Merci à vous, M. Bertrand Tatinder, doyen basilicain. N'oubliez pas l'autre problème. Tout à fait. Oui, merci de donner la parole. Surtout après que après tout ce que j'ai entendu. Moi, je crois que il y a des choses à faire à plusieurs niveaux pour le gouvernement malien. La première chose, c'est de faire un procès public à ces 49 mercenaires. Le peuple apprendra davantage sur comment se nouent les alliances, comment on prépare la mort des uns et la filouterie des autres, l'exploitation, etc. Moi, je crois que si ce procès-là est public et si nous sommes nombreux à nous l'approprier, nous aurons des armes pour faire face au monde qui vient. Parce que le monde dans lequel nous évoluons est fini. Ça, c'est sûr. Les choses ne seront plus comme avant. L'ONU est appelée, sinon à disparaître, du moins à muter, à changer ses manières de faire. Et il faut que les Africains comprennent comment ça va se passer et quel est le rôle qu'ils sont appelés à jouer pour préserver leurs intérêts. Parce que ces gens-là, quand ils déclarent, ils exécutent. À la seconde moitié du 18e siècle, 1700 et des poussières, les Européens ont dit « un bon Indien est un Indien mort ». Et les 40 millions d'Indiens qui vivaient alors sur le continent nord-américain, aujourd'hui sont disparus. Et ils nous disent aujourd'hui, nous voulons l'Afrique sans les Africains. Et ne croyons pas que ce ne sont pas des lubies, mais c'est la volonté qu'ils ont, c'est le désir qu'ils ont la volonté d'exécuter. À nous de savoir résister. Et je vous assure qu'en faisant un procès public à ces 49, je ne sais pas si les malheureux sont des héros ou des bandits ou des... Mais enfin, le procès montrera. Quand nous aurons compris quels sont les dessous de cette affaire, alors nous saurons comment faire pour que l'Afrique et les Africains persistent et aient leur place dans l'avenir de l'humanité. Merci à vous. Faute de ça, ils l'ont dit, ils veulent l'Afrique sans les Africains et le danger est bien plus réel que nous n'osons l'imaginer. Alors faisons face en sachant qu'il s'agit d'un danger réel et un danger existentiel pour nous. D'accord, merci à vous. Docteur Basiliken, et nous, on va donc conclure tout en rappelant que le nouveau mouvement populaire du Cameroun, parti du président Bandakani en patron, organise donc les journées du panafricanisme du 21e siècle sous le thème « Passons à l'autre bord ». Ce sixième congrès du JAR aura donc lieu dans la ville de Douala les 29, 30 et 31 du mois en cours avec des programmes et des thématiques assez alléchantes. Vendredi donc, ça sera le grand atelier sur les 10 ans du combat panafricaniste. Bilan, leçons et perspectives avec donc comme intervenant professeur Mathias Eric Wonangini qui est le vice-recteur de l'université de Yaoundé 1. Il sera d'ailleurs accompagné de professeur Charles Binambiko, directeur exécutif du CER d'Otola, le Centre international de recherche sur les traditions et les langues africaines. Samedi, mais c'est en session matinale, on aura donc la présentation du PAD samedi qui est d'ailleurs considéré comme la journée de la performance économique, le port autonome de Douala comme modèle de la performance d'une entreprise parapublique au Cameroun. On évoquera davantage le cas également de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, lorsqu'il sera à 14h heure locale. Et bien, en soirée, ça sera donc un troisième atelier sur le panafricanisme comme alternance globaliste, mais surtout gouvernementale à l'impérialisme global par le professeur Mebometa Ndongo, enseignant et chercheur donc à l'Université d'Ottawa et à l'Université du Québec en Outaouais. J'espère que je prononce bien du côté du Canada. Le dimanche, ça sera la clôture donc de ce sixième grand congrès avec donc clairement un atelier sur l'Afrique face au 21e siècle, problématique stratégique du monde nouveau, une présentation du président Bandakani. On aura clairement le communiqué, du moins le spot qui passera clairement en boucle dans les journées qui vont suivre sur Afrique Média Télévision. Merci infiniment, président, de nous avoir accompagnés. Merci à toute la partie technique réunie autour de Nathan qui nous accompagne le temps de cette édition du débat panafricain dans sa première partie qui se refait dans quelques instants la seconde partie. Merci de nous avoir suivis religieusement. À très bientôt.